Il s'agit du flow de caste. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, oh, bonjour, bonsoir et bienvenue. Tout hop, le monde déteste les fachos. Oh là là, regardez. Wow, bah oui, bah va. Vous l'avez reconnu bien sûr, c'est le candidat proposé par l'NFP pour le Premier ministre. Ouais, voilà, évidemment. Je sais pas si je vais avoir accès au poste, apparemment ça bloque un peu, mais... Ouais, oui, je suis non, chaud. C'est Adrien Méniel bien sûr, ouais. Comment vas-tu Adrien? Bah mieux, mieux. Ouais. Bon après, voilà, c'est... C'est oui, c'est pas... Parce qu'on a fait trois semaines où à chaque fois on était genre... Alors bon, c'est pas les résultats. Ouais. Et d'ailleurs très pessimiste, hein, du coup je le montais. Je l'ai monté. Et tout le monde. Non mais le dernier épisode est vraiment genre... Bon bah voilà, ouais. et au final. Et puis quoi? Non mais voilà. Une belle surprise. On voilà. Est que troisième, hein. Donc redescendez. Oui, oui, non mais je vois où tu veux venir. Je vois où tu veux venir. Non, il y a eu un petit pic de dopamine dimanche. Bon, c'est je l'ai senti physiquement redescendre vraiment. Bon voilà. Quasiment mais... aussi sec. Hein, ouais, mais... au fil des jours là. Ah ouais, je sens que ça y est, c'est terminé déjà. Moi, c'est vers 7h du mat. déjà. Je crois qu'il y a de grandes chances que ce soit quand même le dernier épisode de la saison. Voilà. Ah bah, on peut le dire, c'est le dernier épisode de la saison. On peut le dire. Pardon de le dire. La merde. Je pèse la merde. Pardon. Attention, c'est une citation de Pascal Pro. Qui cite un très très bon morceau, excellent. Qui a vraiment... C'est ça aussi, on peut peut-être, ça y est, dire, parce qu'on n'osait pas dire les oui, trucs. Oui, alors attends. La vidéo est sévère là. Voilà, ça je voulais y venir. Le NFP, on a voté pour vous. Une vidéo ASMR encore et c'est terminé. Hein. C'est terminé. Et on donne raison à Benjamin. Ouais. Ah, attention là. Non, ça va. Donc, pardon, donc nous sommes avec deux invités. Nous sommes avec Benjamin Tranier et Zaïd Saïbdine, on peut ouais les applaudir, j'ai pas fait de présentation. Ouais, ouais, Zaïd, ouais, pour dire, tu es l'auteur de Benjamin, entre autres, t'écris pour Douli. Absolument. Aussi, sur les spectacles, sur les chroniques également. Oui, spectacle, chronique. Il y a d'autres SMS gens que je connais pop, pas. Ouais. Si, tu bosses avec. Lettre d'excuse. Non, voilà, on se connaît depuis très peu avec Zaïd, puisqu'on l'a rajouté rencontré à l'anniversaire de Laura Felpin, où il y avait beaucoup de gens, il y en a beaucoup rigolé, parce qu'il y avait beaucoup de gens aussi insupportables. Et j'ai. Non, mais je le dis, bah, on va le dire. Citer, on était dans un petit groupe. Oui, et je me suis vrai senti bien, il y avait plein de gens que je connaissais pas, je connaissais que Benjamin. Ouais. Moi, j'étais là parce que c'était le coin du buffet, hein, je vois pas de quoi vous parlez. Bah, je me suis senti bien dans le coin du buffet. Voilà, ouais, j'ai bien rigolé. Cool. Et je me suis dit, putain, on s'est dit d'ailleurs qu'Adrien, ce serait trop bien qu'on invite Zaïd. Adrien n'était pas avec nous parce qu'Adrien il défouraillait sur le dance floor. Je chantais tout simplement. Ouais. C'était, j'ai pas dansé, qu'est-ce que tu racontes? Défouraillé. Qu'est-ce j'ai que tu as dit? Bah oui, mais sur le dance floor, il n'y avait pas de dance floor, je chantais. Écoute, j'ai oublié. Arrête, faut être précis. Avant de commencer le jeu du floodcast, je dois revenir sur des trucs qu'on a dit. Aïe. Non mais et pour lesquels on s'excuse. Et pour lesquels on s'excuse. La mère à Bardella, non mais c'est on a beaucoup dit que c'était interdit de mettre un minimum de carte bleue oui dans les restaurants. C'est faux. Bah moi on m'a dit l'inverse. Et écoute, j'ai reçu c'est de la vente quantité forcée, on m'a dit de messages. En fait non, si c'est indiqué, t'as le droit. Tu n'as pas le droit de le dire si c'est pas indiqué sur les menus ou à l'entrée ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, j'ai reçu beaucoup de messages qui disent si, dont des avocats. J'ai bien aimé quelqu'un qui dit écoute, tu es avocat, oui, il a le droit de faire un minimum. Les avocats. Il ne dira pas un mot de plus. Ouais, c'est clair. Oui, les avocats. Non, en revanche, moi, on m'a envoyé un message pour le truc que t'as dit quand tu dis ah, ça m'énerve quand les serveurs oui ils viennent demander l'addition. Mais c'est parce qu'ils pour leur pourboire, tout bonnement. On m'a dit aussi. Et même pour les gens qui volent, on m'a dit qu'on a peur. Il y a eu beaucoup de restos basket. Oui, et ça, moi, c'est disais, des gens. Pourquoi quand les gens. Des gens d'extrême droite qui t'ont dit ça. Des restaurateurs d'extrême droite. Oui, oui, oui, oui. Ceux qui pendant le Covid criaient liberté pendant le Covid. Oui, bon. Ah, Benjamin, il n'aime ouais pas constater qu'un restaurateur. Si. Il est toujours bien reçu. Bah, pas plus tard qu'il y a deux semaines, j'étais au resto avec Zaïd et je lui fais un petit joby. Et on est parti, job. Ah ouais, oh le salaud. Non, pas du tout. Pas du tout. T'en as déjà fait? Non, jamais, jamais. J'ai jamais fait ça. Non. Moi, j'ai jamais fait ça. Par contre, un jour, j'étais on buvait des coups avec plein de gens, dont la moitié que je connaissais pas. Ouais. Parmi ces gens, il y avait Francis Lalanne. Pas mal. Cet oui, enfoiré, pour un tournage. Cet enfoiré s'est barré sans payer ses frites et j'ai payé les frites de Francis Lalanne. Putain. Donc s'il m'entend, tu me rembourses, mec. Ouais, bien sûr. Parce qu'à l'époque, je me disais, oh, c'est marrant, c'est Francis Lalanne. Ouais. Maintenant, tu rembourses, gars. Ça là, t'étais avec Dieudonné, ouais, tu te présentes aux élections et tout. Tu rembourses. C'est à partir de là qu'il a vrillé, hein, Lalanne. C'est dit, attends, je peux pas payer mes frites, je peux me présenter aux législatives. Bah, il a tweeté, je peux baiser la France, apparemment. Je peux baiser ce gars, je peux baiser la France, il a dit. Et un dernier truc aussi, la petite gamine de 9 ans qui a passé le bac. Ah oui, elle l'a raté. Elle l'a raté, hélas. Ouais, ça, j'ai vu la news, t'as dû jubiler. Bah, j'ai pas jubilé parce la que. Pauvre, en fait, la j'ai pauvre. Rarement vu autant de chiens. Mais du coup, c'est bien. C'est bien la preuve qu'il y a quand même des darons derrière de mais si, passe-le le bac. Ça. En fait, ouais. j'ai jubilé c'est pour ça. Les parents, pour, ça les a fait redescendre un peu, je pense. La môme, par contre, son amour propre est vraiment détruit à vie, je pense. Non, ah bah la vie, c'est dur, ma cocotte. Oui, mais bon. Peut-être pas, peut-être qu'elle se dit cool, je peux. Enfin, tu vois. Parce que moi, c'est toujours ma question, c'est si tu. Elle a 9 ans quand même. Oui, ouais, mais justement. Bon, ouais, ouais. Tu fais quoi à 10 ? Si tu passes ton bac à 9 ans, tu fais quoi à 10 ? Oui, tu mais. Fais des études, tu oui, vas mais sauf que là, il y a un côté, ses parents lui ont dit. Tu peux tout faire, t'es génial, tu peux passer le bac. Ah non, pardon, ouais. On s'est trompé en fait. Tu non, peux ouais, pas. Ouais. Allez, c'est ciao. Une bonne chose parce que ses parents sont déçus et pourront pas être plus déçus que ça. Elle peut tout faire derrière maintenant. Oh, ils peuvent être plus déçus, je pense. Elle peut, elle le peut visage. Vraiment faire une descente aux enfers, la pauvre. Plusieurs fois, j'ai cru décevoir au max mes parents et j'ai toujours réussi à les surprendre. Vraiment, ne t'inquiète pas là-dessus. Non, mais c'est une vraie question que je me et posais. Moi, c'était l'inverse. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais une fois que t'as le bac à 9 ans derrière ? C'est quoi ta vie en fait ? Gabriel Attal. Il est fort, il est très très c'est fort. C'est ça, c'est ça. Donc on va faire le jeu du Floodcast. Alors on va parler encore un peu politique, mais américaine, savez-vous qui a annoncé sur Twitter qu'il était intéressé pour être président de la République ? Joe Biden, malheureusement. Vraiment, il... Kanye West une nouvelle fois ? Pas Kanye West. Et d'ailleurs, il ne peut pas se présenter, et je vous demanderai dans un deuxième temps pourquoi. Est-ce qu'on peut faire juste une parenthèse sur Joe Biden parce que c'est vraiment qui catastrophique perd, qui en perd ce la moment. Tête. Yeah. Non mais là, il a dit il a présenté Zelensky pardon, ouais. Il a dit Poutine. Il a dit président Poutine. Ouais. Et après, quelques heures après, pour parler de Kamala Harris, il a dit la vice-présidente, ouais. Vice-président Trump. Ouais, j'ai vu, ouais. Mais non. Ouais. Si. Ouais, wow. Après, là, il est. Ouais. Ça y est. Il a là. Fait comme ça, il a dit sans mes doigts. même le RN ont caché Jean-Marie Le Pen. Ils ont dit non, là, c'est... parce que je pense qu'il est à ce niveau-là aussi à ce moment. Bah, ouais, c'est dingue. Ouais. Ouais, il fait encore d'excellents jeux de mots. Benalla Akbar, par exemple. Qui a fait ça ? Le Pen. Ah bon ? Vous avez jamais vu ça ? Non. Je crois que c'est une vidéo sur YouTube. Mais qui est un montage, non ? Non, c'est un mec qui lui dit alors, je voulais vous parler de Benalla. Il fait Benalla Akbar ! Bon, allez, bon, bah, ok. Alors, moi, je pense, je peux le dire, personne ne va supposer quoi que ce soit de ma part. Ça m'arrive de me faire des best-of de Jean-Marie. Oui, non, mais. Fais courir, Malonquin, cover ! Oui ! On voit où tu vas en venir, d'ailleurs. Non, mais, tu es la seule personne à cette table qui peut le dire. Ouais, c'est vrai. Mais ça dit, genre, pour, en vrai. Devant un micro. Fais pas. Oui, là, c'est la autre loi. Non, après, en vrai, non, j'avoue que je me fais pas des. Je le dirais. Non, bien mon sûr. Max, c'est le florilège de Bigard, je crois. Non, dans le côté inavouable. C'est ça. Et tourner avec Francis Lalanne, bah, tu l'as dit. C'est vrai que non mais c'était pas pour un tournage d'ailleurs, hein. C'était bien avant. T'as fait tour. Plusieurs rendez-vous avec Francis Lalanne. Je l'ai croisé deux fois dans ma vie, Lalanne. Ah putain. Eh oui, j'ai une photo avec lui. T'as donné la, moustache. Eh non, non, non. Tu donnes pas la réplique. Non, c'est Bernaud. Ah, oui, mais t'es dans le sketch. Je suis dans le sketch, mais je tourne pas avec lui. D'accord. Je rappelle que je peux. Vas-y. On digresse. Non, mais en gros, c'est un tournage Golden Moustache où je joue un fan de Francis Lalanne. Ouais. Et le Real me dit bon bah là t'arrives et puis tu chantes une chanson de Francis Lalanne, donc choisis la chanson que tu veux et tout. J'en ai aucune. Et apprends là quoi. Ah si, bien sûr. Okay. Attention, il y a répète pas. Ah, ouais. C'est justement le twist de l'histoire. On voit que j'ai beaucoup de ressources. Et moi je me dis bon bah je vais apprendre sa plus connue là. Pense à moi comme je t'aime. Ordinateur. Et donc j'arrive sur le tournage, donc je l'apprends. J'arrive sur le tournage, on fait action. J'arrive, je fais ma scène, je chante ça et je sens un flottement. Et le réal il fait coupé. Adrien viens voir. Et donc je fais ouais qu'est-ce qu'il y a. Il me fait ouais on t'a pas envoyé le message. Donc je dis non de quoi. Il fait ouais en fait Francis il arrive tout à l'heure là bientôt. Et en fait il a envoyé un mail pour dire si vous pouvez prendre n'importe quelle chanson de moi mais si la personne chante cette chanson là je quitte le plateau. Donc je dis ah bah non on m'avait pas dit. Il me fait du coup est-ce que tu connais une autre chanson de Francis Lalanne. Et je fais oui. J'ai chanté beaucoup fais-moi l'amour. Beaucoup d'acteurs se sont retrouvés bloqués dans cette situation. Ouais. C'est là où t'as beaucoup de ressources. C'est balèze. Ah, ouais. On sait pourquoi il bloque sur celle-ci. Hein. On sait pourquoi il bloque sur cette chanson. Non. Si. Je crois qu'elle est liée à un des membres de sa famille qui est décédé. Oui voilà. Ça va. C'est bon. T'en as fait une chanson. Ouais. Donc c'est peut-être avant que la personne meure, peut-être. Ouais, peut-être. Je sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un genre Schwarzenegger et du coup il peut pas se présenter puisqu'il est pas. Alors il est américain. Ok. Mais c'est pas un truc effectivement toi, comme ça. T'as pas de temps à perdre toi. C'est une célébrité. J'arrête pas. Il a réservé un petit indien, il veut pas qu'on le rate. C'est une célébrité. C'est une célébrité très connue. Chanteur, chanteuse. Pas chanteur, pas chanteuse. Cinéma. Pas cinéma. Humour. Télé. Un peu humour, mais je le qualifierais pas dans mais humour. Mais je sais. Mais baisse-toi. Je vais pas le dire. Ah, tu l'as ? Je vais pas le dire. Alors vas-y, vas-y, peut-être que vous pouvez trouver. Attends, on est d'accord qu'il a pas dit qu'il se présentait, mais que ça pourrait l'intéresser, c'est ça ? Bah, il a tweeté. C'est sur Twitter en tout cas. Oui, ouais. Mais il a. Bon. On verra. C'est pas un humoriste, si. Non, c'est pas un humoriste. Il fait des blagues dans ce qu'il fait, mais c'est pas un humoriste. Il n'est pas drôle. Comme, non, il n'est pas drôle. C'est pas Joe Rogan. Non, c'est pas Joe Rogan. Oh, je bénisse. Ouais. Oh, cela dit, tu vas avoir la réponse, c'est pas forcément plus. Pas loin. Non, ouais. Non, c'est pas. C'est... Bah, pas aussi politiqué, politisé, pardon. Non, non, voilà. Non, mais ce serait une énorme cata si bah, président, par contre. Bah, évidemment, enfin, si il est américain, Franjo. Hein. Hein. plus US effectivement. Plus US. Et petit buzz internet. Voilà, on peut aller là. Petit buzz, oui. Petit buzz. Ah ouais. Enfin, petit homme, buzz. Bah, buzz. Non, homme. Non, mais énorme merde. Buzz, faut oui, peut dire. Peut-être plusieurs buzz. Non, mais. D'internet. En deux secondes, j'ai cru que c'était la meuf de Rocto. Ah non. Oh, ouais, ça m'a fait mal ça. Il y a Eminem, pour faire la promo de son album, il a utilisé ce meme. J'étais genre, oh. C'est quand ils commencent à utiliser des mèmes un peu alors qu'ils ont 50 ans. Alors qu'ils ont été cool pour toi dans ta vie. Tu fais, oh, arrêtez. Mais elle a une télé-réalité sur elle qui arrive là. Elle va présenter les Oscars aussi. Bon, après, non. Les filles de Stallone, par exemple, je suis tombé dessus la dernière fois en zappant. C'est catastrophique. On s'en bat les couilles à une vitesse. Oui. C'est dingue. Elle ressemble au père ou pas ? Il y a le père, mais vraiment en guest nul. Non, mais est-ce qu'elle ressemble au père ? Non, elles sont. Non, pas du tout. Non, elles sont jolies. Et est-ce qu'elles se font bronzer le trou de balle comme la mère de Stallone ? Non, alors tu confonds tout. Mais tu connais mais toutes Adrien, les mais surtout, de non, tout il confond monde. Il connaît l'histoire de l'anus de toutes les célébrités. La mère de Stallone ne se fait absolument pas blanchir. Elle lit l'avenir. Elle lit l'avenir dans les anus, dans les lignes de l'anus. C'est la mère de Stallone. Oui, bah. Mais non, mais excusez-moi. Quand tu lis la ligne dans les lignes, tu bronzes un peu. Tu lui montres ton 30 plis et elle te dit. Exactement. Si je rêve 30. Et elle fait oulala, attention, oulala. Prenez pas le métro tout de suite. Oulala. Vous allez acheter une douchette dans les jours à venir. Enfin, on l'espère. Ouais. T'as quelqu'un qui a buzzé. Une personnalité non, d'internet. Mais c'est une star du web. Voilà. Personnalité d'internet. Star du web. Ok. Youtuber ou juste YouTuber. Un mec. Speed, non. Non, il est anglais lui, je crois. Ok. Mr Beast. Oui. Très bonne réponse. Ouh. Alors pourquoi c'est venu sur la table ? Et vraiment son analyse politique c'est celle d'un enfant de 9 ans. Vraiment. Et qui n'est pas en capacité de passer le bac. Non, en plus de donner beaucoup d'argent à des gens qui font des défis, parce que c'est quand même ça beaucoup sa chaîne, MrBeast fait aussi des vidéos où il plante des centaines d'arbres ou construit des centaines de puits. Et souvent, ces projets qu'il mène à bien avec ses équipes sont des gens le critiquent pour ça en disant mais t'as pas à t'occuper de ça, c'est les gouvernements qui doivent gérer. S'il y a des gouvernements qui gèrent, il y a une raison. C'était un peu ce que disait le docu du mec qui met des North Face là sur Jérôme Jarre là, tu vois. Charles Villa. Charles Villa. C'était ce truc de tu peux enfin être être dans l'humanité. J'aime bien ce qu'il dit, le mec qui met des North Face, je sais exactement. 2017. Qui parle. Ouais, on est très connectés. Non mais voilà, de dire les associations travaillent avec les gouvernements pour une raison justement. C'est si tu mets juste plein de trucs sur un pays, ça peut être le bordel. Bref. Oui, okay. Mais bon, oui, bon, de toute façon on va pas. Quand le gouvernement. Oh, attention, on devient l'heure des pros, Adrien. Fais attention. Non, non, mais... Bref, il est souvent critiqué. Pardon de le dire. Il est souvent critiqué. Et lui, il a dit, mais en vrai, je pourrais devenir. Enfin, moi, ça me dérangerait pas d'être président de la République. C'est une idée qui pourrait m'intéresser, mais il faudrait changer la loi, puisque la il loi. Il est trop jeune. Ouais, c'est ça. Selon les textes américains, la Constitution américaine, il faut avoir au moins 35 ans et vivre dans le pays depuis plus de 14 ans pour être président de la République. Donc, et il a quel âge, Mr Beast ? Bah, il a moins de 35, j'imagine. Ouais, j'aurais pu trouver cette info effectivement. C'est marrant. Non, mais il est né en 98. Il a donc 26 ans. Ah ouais, pas tout de suite. Alors. Non, pas tout de suite. Et c'est dans ces critères sont dans la Constitution depuis 1789. C'est marrant qu'ils mettent pas un âge limite, par contre, dans l'autre côté, pas président. Ouais. Parce que là, Biden, c'est là, on voit la limite. Mais du coup, truc, c'est quoi. Que Biden en finale face à Trump ou non, pas encore. Bah là, ça commence. En fait, chez le. Je pense que ça pareil, va commencer. Hein, on va parler en heure des pros, hein, parce que j'y connais pas grand chose. Okay. Mais de ce que j'ai lu, justement, plein de démocrates disent. Va-t'en, je t'en supplie. Et lui il est veut là, pas. Non, je reste, quoi. Ouais. C'est George Clooney, je crois, récemment, qui a fait une tribune dans le New York Times, que lui, c'est un des plus gros donateurs du Parti démocrate. Ah ouais. Et il a dit, s'il vous plaît, non, Biden. C'est le journaliste du New York Times qui ont fait un giga article pour dire qu'il fallait qu'il s'en aille. Et là, il y a un truc qui a un peu sauté de oui, oui, il faudrait peut-être que tu t'en ailles. Ouais, d'accord, c'est ça. Okay. Les gens le disent. Et Clooney, entre autres, l'a dit. Ouais, a dit en mode Allez, stop. Non, mais c'est terrible, là. Parce qu'il foire ses débats, en fait. C'est ça, surtout. C'est face à. Moi, j'attends le moment où il vrille et il monte son sgeg. Le final. Here is my dick. Bras écarté. Et là, attention, il peut prendre énormément de voix. Il peut prendre énormément de voix. Genre, putain, il est libre. Il pisse. Il pisse comme ça. Il sort sa queue. Il pisse. En regardant. En vide. Monsieur Biden, vous pissez là. C'est bientôt les vacances. Ça a prévu quoi pour les vacances autour de la table? Zahid, est-ce que tu pars un petit peu? Non, déjà on revient du Japon. Mais c'est vrai, mais ça. C'est comme vrai, les trois comme là. La Terre, voilà. Y a que moi en fait. Les Français. Ouais. Ouais. Ouais. Cette planète entière, y allait, sauve-toi. Je voulais te fuir, Adrien. Ouais, tout le monde. Là, il y a Laura Felpin qui est en ce moment. Oui, c'est vrai. Y a que moi, le pauvre con là, qui reste. Mais ouais. Prends-toi un billet. Mais il va y aller tout seul comme un con. Mais putain. Bah pourquoi pas. Non mais en plus, alors le Japon, je trouve que tout seul, ça se fait, ça se fait, ça se fait. Avec ma meuf, on a fait deux jours l'un sans l'autre, où on s'est un peu baladé chacun dans la ville. Et bah très sympa, très bon délire. Ah, j'ai passé deux jours sans ma meuf. Ouais. C'était super connard, va. Non mais je peux pas gagner. En même temps, je peux pas gagner, c'est évident. Donc vous avez kiffé le Japon? Ouais, très très cool. Non, ouais, c'était super. Bien sûr. On est resté deux semaines. Pas mal. Ouais, et vous êtes resté à Tokyo? Vous avez bougé un peu? Non, Tokyo, Kyoto, Osaka. Ah oui, quand même. On a fait toutes les toilettes publiques qu'on pouvait faire. Ouais, on s'est baigné tout nu tous les deux. Allez, on a fait les onsen, les bains. Ouais. Les bains. Sympa. Eh bien, écoutez. Vous avez fait du docking? Désolé. Ou pas? Non. Alors, non. On s'est juré de pas se regarder la quilloute quand même. Ah. Donc on regardait pas au-dessus de la taille. Pas au-dessus de la taille, mais on avait le droit de regarder les autres qui étaient autour de nous. Ah, pas mal. Et les toilettes, incroyables. Bref. Ça, mais alors, moi, j'ai pas aimé ça. Laver le trou du cul. Oh, les toilettes, le trou du cul. Eh ben, j'ai pas aimé. Eh ben, je vous le dis. Eh ben, t'iras pas chez la mère. Toutes les toilettes. Les toilettes du métro, les toilettes dans la rue, tout est propre de malade. C'est bien sûr, c'est très propre. Mais la petite douchette dans le cul, moi, j'ai pas aimé. Ah ouais. Non, j'ai pas aimé. Sensitant. Bah, écoutez, on a encore le droit d'aimer la France, non? Non mais je sais pas, le côté un peu moite. Après il y avait l'air chaud, ça j'ai pas aimé non plus. Ouais. Non, j'ai pas aimé. T'aimes pas l'hygiène en fait, hein? Le petit bisou, bah ouais. t'as le petit bisou, ouais. Bisou. Le billet le de 50 quand tu sors. Le peigne, tu te recoiffes là. T'as pas aimé ça? Le petit miroir derrière pour voir si ça te plaît, comme chez le coiffeur. Attends, c'est un vrai truc ça, j'ai vu. Ah ouais, ah bon? C'est un vrai produit, c'est un miroir qui se colle contre le rabat des chiottes pour que tu puisses regarder quand tu torches, quoi. Ah ouais, j'ai vu que ça existait, ouais. Je crois que c'est un vrai produit, je crois. Juste t'envoies à tes potes une photo, quoi. Non mais bien sûr. Après, ce qui est horrible avec le Japon, c'est que tu peux pas revenir en disant un truc que les gens n'ont pas déjà dit mille fois. C'est ça. Oui, c'est propre, oui. Où les gens sont ordonnés. Et bien, dites-vous que le Japon ne fait pas partie, pardon, du top 10 des destinations touristiques les plus prisées en 2023. Je vous demande. Il y a la France, il y a la France. Alors, la France est number one. Number one. C'était ça la question, putain, j'avais oublié. Non, je l'avais pas posé. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Donc là, il faudrait les destinations touristiques, les pays, je vous demande, aller un petit top 10. Voilà, un top 10. La Croatie. La Croatie n'en fait pas partie. Mais non. Et ouais. Les États-Unis? Bien sûr, les États-Unis sont troisième. Le Brésil? Le Brésil n'en fait pas partie. Troisième? Attends. Troisième. Entre France et États-Unis, il y a un pays. L'Espagne? Putain, bien joué. Vous avez vu là, les touristes à Barcelone, ça un peu. Je les comprends, mais un peu énervant. Ils tirent avec des pistolets à eau sur les touristes parce qu'il y a trop de touristes. Et du coup, ils font des rassemblements où ils ont des pistolets à eau et ils tirent sur les touristes qui sont en terrasse. Je pense. Mais, je comprends, mais en même temps, T'enlèves les touristes de Barcelone, je pense qu'il y a plus rien, quoi. Ouais. Non, mais ils vivent plus de rien, en j'sais vrai. Pas, ouais. Je sais pas. Mais il y a un côté. Moi, tu me fais ça une fois, j'achète un super soaker, je le remplis dans l'eau des chiottes et j'arrose tout le monde, par contre. Tu me tires pas dessus. Enfin, je comprends que ce soit chiant, mais bon, me tire mais pas dessus. Mais surtout, ça fait fuir les touristes. Oh, attendez, on nous tire de l'eau. Hein. Alors, partons d'ici. Il fait 30 degrés, il m'a tiré de l'eau dessus. Je suis pas bien là. Non, je comprends que ça doit être relou parce qu'apparemment c'est très très très touristique et tout. Ils parlent même d'interdire les Airbnb, je crois, à Barcelone. Ouais, ça je comprends, mais. Ouais, effectivement. Mais c'est régulé l'immigration de manière générale, tu me disais. Oui. Mais j'avais pas lu le programme. Vous l'avez survolé. Donc ouais, on a le top 3, je vous demande. L'Italie est quatrième, il les fait quasiment dans la Chine. Non, mais la Chine n'en fait pas partie. L'Inde n'en fait pas partie. Tu donnes les pires destinations. L'Angleterre. Tu l'as pas dit, effectivement, elle est septième l'Angleterre. L'Irlande n'en fait pas partie. Non, il y en a des très connus encore. Brésil. Non, Brésil, vous l'avez déjà dit, il est pas passé. Nouvelle-Zélande. Mexique est sixième, Nouvelle-Zélande n'en fait pas partie. Je crois que c'est trop loin pour les L'Islande. Je crois que c'est le pays que tu mets. Il y a pas l'Islande. Je crois que c'est le pays où tu mets le plus de temps à aller, la Nouvelle-Zélande, par rapport à la France. Ah oui, je crois. Ouais. C'est 30 heures, 35 c'est très, heures, je crois. Très loin. Ah ouais. 35 heures d'avion, je crois. Sympa. Ouais. Sympa. Non, et puis l'Islande. En fait, vu que c'est les destinations les plus prisées, j'imagine que c'est aussi ceux qui peuvent accueillir le plus de gens. Et l'Islande, je pense que c'est un peu petit. Oui, et c'est aussi où ça coûte pas trop cher, j'imagine. L'Australie. Ouais, voilà. Non, non. Personne veut aller là-bas. Non, l'Australie n'en fait pas partie. T'as dit la Croatie, un pays pas très loin. La Serbie? Non, pas la Serbie. L'Albanie? Pas l'Albanie. La Suède? Pas la Suède. C'est l'Autriche, qui est dixième. Ah ouais, ah, il y a l'Allemagne du coup. L'Allemagne est 8ème. Ok. Putain, mais c'est que des pays européens. Bah, quasiment. Ouais, mais attends, quasiment. C'est... Ouais, il y en a deux autres. Il y a encore un pays européen que vous n'avez pas dit, qui est la Grèce. Ah 9ème, ouais, bien sûr. Et la Turquie est 5ème. Ah ouais, ouais, mais la ça, Turquie. C'est pour des raisons de... d'un plan capillaire, peut-être. Mais non, mais maintenant, c'est en France aussi, non? Ou je suis complètement fou? Ah bah, il y a toujours eu partout, mais c'est juste que c'est moins cher en Turquie. Ah, c'est moins cher. C'est moins cher en Turquie. Ok. Mais Dimaizi, il l'a fait à Paris, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Il le dit, hein, c'est pas. Attention, il a levé les mains. Non, il a levé les mains. Il le dit. Il l'a déjà dit en interview. Oui, il l'a dit. Il l'a dit chez Gigi Pop. Écoutez, il l'a dit. Il l'a dit. C'est chez Gigi Pop? Non, chez JB. Chez JB, exactement. Une demande en mariage qui aurait pu plaire au beauf que tu interprètes. Mmh. Fais le beauf d'ailleurs. Ouais. Fais-le là. Allez, on aime trop quand tu le fais. Ouais, je t'écris un petit texte. Fais-le maintenant. Je t'écris un petit texte sur les JO là. Il y a mon beau-frère qui se marie, tu veux pas le faire? Dis salut les beaux. Dis juste la phrase. Dans quoi une jeune femme a demandé son homme en mariage? Dans quoi? On parle d'un lieu? On parle pas d'un lieu. Un objet, elle était cachée dans un objet? Oh, la bague était cachée dans un objet. Ah, oh. Et ah, oh. Donc c'est... Attends. On cherche dans quoi la bague était cachée, c'est ça? Ouais. Dans une voiture, dans un pneu, dans pas un... Pas dans une bière. Son huc. Non, alors, vu que t'as dit le beauf... Oui. Est-ce qu'elle l'a mis dans une vaginette? Si c'est non. Pas ça, tu supprimes, s'il te plaît. Non. Non, on va évidemment garder. Et non, pas dans une vaginette. Un Big Mac? Pas un Big Mac. Ça se mange, ça se mange, pas ça, c'est ça pas se pas mange. Pas bon, non, non. À 9h du mat, par il exemple. M'attaque, il m'attaque parce que ce matin. Voilà. Mais je t'attaque pas, c'est... tu pouvais ne rien dire et ça passait. Non, les... moi, c'est, moi qui c'est moi qui l'ai poucave en plus. Oui. J'ai mangé un Big Mac ce matin à 10h30 et j'ai croisé Zaïd et voilà, je l'ai pas caché. Je l'ai pas caché. Non, mais pardon. J'ai eu honte. Voilà. Et Zaïd l'a suivi. Sur deux muffins. Mais vous... pas un Big Mac, mais on s'approche puisqu'il s'agit de bouffe, effectivement, de nourriture. Mais une bouffe de beauf. C'est aux États-Unis? L'idée, non, c'est en France. Ah, des rillettes. J'ai même envie de dire cocorico. Des rillettes. Flamme cuche, une flamme cuche. Pas une flamme cuche, pas des rillettes, mais là, on est vraiment. Du pâté. Du pâté. Pâté croûte. Une boîte de. Il en est fait immédiatement. Ah ouais. Une boîte de pâté Enaf. Oh oui. Ah oui. Eh oui. Attends. Je cherche des t-shirts pâté Enaf partout. Fais-le toi. Fais-le ouais, toi. Ouais, c'est vrai. Mais non, il veut l'officiel. Il veut l'officiel. Je comprends. Ben, j'ai fan premier degré du pâté croûte. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais, là, pâté Enaf, c'est pas pâté. Non, c'est pâté, ouais, c'est pâté classique. C'est pâté horrible. Ouais. Mais t'aimes tout dans le pâté en croûte, même la petite gélatine dégueu du bout, là? Évidemment, ah, c'est le meilleur. Non, c'est le meilleur. Mais bien sûr, mais parce que t'as pas goûté des bons pâtés en croûte, mon pauvre ami. Oh, écoutez, mon pauvre, alors j'en ai quand même goûté pas mal. Et puis je suis pas le monopole. Je suis d'une ville, et je sais que toi aussi, où tu sais, pour les 18 ans des copains, il y avait toujours la cigogne en charcuterie, tu vois, le papillon en charcuterie. Le dauphin, le machin. Des repas où t'arrives à midi. Et tu pars à 23h sans quitter la table, évidemment. Et tu repartais avec ton Tupperware de vieux jambon qui est resté au soleil toute la journée. Bien sûr. Donc une femme lassée que son compagnon tarde à lui faire sa demande a tenté sa chance auprès du groupe Enaf directement. C'est pas juste elle a foutu le truc. Ah, elle a appelé Enaf. Oui, c'est ça, parce que en fait comment elle avait mis dans la boîte. C'est de la conserve, enfin de la. Oui, c'est voilà. L'opercule. C'est beau. Basé à Poudrezic dans le Finistère pour en formuler une originale et glisser un mot dans une boîte de son pâté préféré. Rompu au souhait insolite, ni une ni deux, le groupe, par la voix de Gildas Collin, responsable consommateur, éco et communauté chez Enaf, a organisé la mise en boîte de la demande. C'est finalement ce mercredi que la femme a fait sa demande et le groupe Enaf raconte sur le réseau social Twitter. C'est la surprise qu'il voyait venir, mais pas sous cette forme. La compagne de ce breton a envoyé une vidéo de l'ouverture de la boîte et on le voit faire un cœur avec ses mains. Et comme toute demande en mariage, s'accompagne d'une bague. C'est la languette que la femme enfile sur le doigt de son futur mari. Moi, sympa. Bah, bien sûr. Ouais. Adrien, si tu devais faire une demande en mariage, tu serais plutôt. Pas du pâté Enaf. Non, mais tu serais sur un truc flamboyant, tu serais genre un truc un peu comme ça à l'arrache. Comment tu ferais ta demande en mariage? Est-ce que déjà, t'es pas très mariage? Est-ce que tu pourrais te marier? Non, bah non. J'ai été 15 ans en couple et on s'est pas marié, donc ouais. Je suis pas trop. Enfin, après, je suis pas contre non plus. Voilà. Si jamais j'étais avec quelqu'un à qui ça tenait à cœur, bon, pourquoi pas. Ouais, dit comme ça, ça donne envie. Ouais. Non, mais bon. Si tu veux. Moi, ma demande a été un peu ratée. Ouais, j'ai demandé donc ma femme en mariage et j'étais hyper stressé évidemment et je ne l'ai su qu'après, mais elle avait grillé bien en amont que j'allais la demander. Ah là là. Du coup, tout le moment, je voulais lui demander à un point culminant avec une vue. où on ne va habituellement jamais. Et du coup, elle s'est dit, c'est très bizarre de tout ce trajet pour aller jusqu'à un point où on va jamais. Tout le trajet, je suis stressé. J'avais la bague d'un côté de ma poche. Elle se mettait évidemment toujours du côté où il y avait la boîte, ce qui me rendait malade. Donc, je me déplaçais à côté d'elle pour pas qu'elle touche la boîte. Et en fait, au moment de la demande, je me dis, vas-y, c'est maintenant et tout. Il y a un gars qui faisait des voice notes WhatsApp au point là où je voulais la demander. C'est ben voilà, là je suis au point, tu me rejoins. C'était horrible. Et je le regardais, genre, s'il te plaît, pars, que je puisse faire ma demande. Et en bas, en contrebas du point, il y a quelqu'un qui fait vive les mariés, félicitations et tout. Là, je me dis, mais c'est un cauchemar. Il y a quelqu'un qui fait une demande en bas, oh, putain, à côté de moi. Donc, c'était catastrophique. Et là, ta meuf fait, ah, t'imagines comment c'est ringard de faire ceci. Ouais, grave. Et en fait, je savais pas. Moi, je ne voyais que l'extérieur. Et elle, pendant ce temps-là, toutes les bagues qu'elle avait au doigt, elle était en train de les enlever parce qu'elle savait que ça allait arriver. Ah, oh, c'est drôle. Et au moment où je fais ma demande, zéro réaction de la part de ma meuf. Mais je pense qu'elle était paniquée. Ah, et oui. Là, vraiment, j'ai fait un... Bon, bah, t'as envie, t'as pas envie, t'es comment? Mec, c'était une catastrophe. Le mariage a été sublime. Mais bien sûr. Ah, voilà, non, ça a été rattrapé. On a rattrapé le coup, mais bien sûr. Ouais, bref. Zahid, toi, tu pourrais faire une demande en mariage? Je pourrais. J'en profite pour passer. S'il y a des autres, si tu m'écoutes, ma chérie, voilà. Reviens. Reviens. Reviens. La bague est achetée. Si t'es toujours là. Ouais, moi je pourrais, mais je pense que ce serait. Ouais, je ferais une mise en scène, je ferais un truc un peu sympa histoire qu'elle se souvienne du moment. Quand même, ok. Ouais. Pas la petite. Vous avez vu cette vidéo d'un mec qui est dans un passage de sous-bois avec une clope? Non. Et sa pote le filme, et on l'entend dire voilà, est-ce que tu veux épouser, tu vois, voilà. Ah ouais. Ça vous dit rien ça? Non, non. Très glauque, il a sa clope au bec, et il joue au sol. Avec une pelle et un sac, un sac de champ. Non, ouais. Non, ça sent l'alcool. Ça sent l'alcool. Ah. Et bah, c'est drôle parce que j'allais dire c'est sans doute mon père. Ça se confirme. C'est probablement mon père. Et la meuf dit oui. Ah, la femme, bah, tu vois, en comme même quoi, temps, elle est t'as l'impression qu'il le fait. Elle est menottée. Je suis là, faut le faire. Je suis là, bah, voilà. Tu vas pas me foutre la honte. Tu vas pas me foutre la honte. Non, là, là. Oh, je vais répondre quand même à la question. Non, mais parce que j'ai été hijacké. Excuse-moi. Non, mais là, t'as totalement raison. Surtout que je pose pas très intéressant. Non, mais moi, je ferais pas un truc, tu sais, les trucs en public, machin, non, ça, non, c'est non, l'enfer, non, ça. Ouais. Chiant. Les mecs, ils disent, ouais, je suis monté sur scène et je l'ai demandé en c'est mais par contre, ouais. Petite, tu vois, essayer de faire un truc très perso, machin. J'ai fait des trucs un petit peu. Mais t'es bon en cadeau déjà. Je l'ai déjà dit dans ce podcast, mais il est très bon en cadeau. Il sait le truc qui va te faire plaisir, il connaît tes goûts. Et du coup, il fout la pression. Hein. Moi, des fois, j'essaie de faire des petits cadeaux et je me dis, putain, il est bon. Faut... C'est mal. Mon langage de l'amour. Langage de l'amour qui est à chanson que tu fais en feat avec Francis Lalanne. Et Big Flo et Oli. Un homme a été arrêté pour contrebande en Chine. Il cachait des choses dans son pantalon. À votre avis, que cachait-il? Des iPhones. Pas des iPhones. Comme la vous avez vu cette vidéo du gars qui vole des iPhones dans un Apple Store? Oui, personne réagit. Bah, ils n'ont pas le droit, les vendeurs. Ils n'ont pas le droit d'intervenir. Et donc, le mec, il arrache tous les iPhones, il les met dans son pantalon. Et après, il part et il a vraiment. Son pantalon est rempli d'iPhones. Et il part parce qu'en fait, les vendeurs n'ont pas le droit d'intervenir quand il y a un vol, quoi. D'accord. Donc, ils le regardent comme ça. Faut saluer le panache quand il y en a. Ouais. Moi, je me souviens à l'époque, c'était une vidéo d'un gars très énervé contre Apple qui était avec une boule de pétanque et qui avait tout défoncé, très énervé. J'ai parfois été énervé dans le monde et du coup, j'aime bien voir des gens péter des câbles de temps en temps. C'est ma façon de moi pas le faire des fois. Tu te vois. Ouais, c'est ça, un petit peu. Tu vois un mec faire un truc que t'as déjà voulu vouloir faire à n'importe quel comptoir de n'importe quel magasin. Est-ce que c'était de la bouffe? Ce n'était pas de la bouffe. Des animaux? Ouais. C'est des animaux. Ouais. Des poulpes? Des poulpes, pas des poulpes. Attends, est-ce que les animaux étaient vivants? Oui. C'était du trafic d'animaux. C'était du trafic d'animaux. Très bonne réponse. Oh là là, des serpents dans le falzar. Ouais, c'est le 2, c'est la suite des serpents dans l'avion. Prochain film d'Artus. Ouais. C'est, sachez qu'il n'y en a pas 10. Je sais pas pourquoi j'ai dit Artus. Bah parce qu'il cartonne. Ouais, c'est l'ami du maman. Ouais. Il peut vendre n'importe quel pitch de film là maintenant s'il veut. Donc, non pas 10 serpents, non pas 20 serpents, non pas 30 serpents, 100 serpents. 100 serpents dans le falzar. J'aime bien qu'il ait mis une limite. Voilà. 100, allez. 104, pour être 104, tout à fait précis. Okay. Wow. Et oui, et lors de l'inspection. Après, il faut voir quel genre de serpent. Ah bah c'était si pas c'est des... Un petit, des petits orvets, bon. C'est ça. Il y avait un peu de tout hein, la photo. Non mais quoi. Non, non ah, la photo, photo regardez la photo. Mettez-moi un petit panaché de serpent. Ouais non non mais parce que regarde, il y a voilà, il y a pas, c'est pas des tout petits oh hein. Ah oui, il y en a des immenses. Oh là là, mais comment tu ouais, il faut avoir confiance dans le serpent. Ouais, c'est ça. Ben voilà, 100 serpents dans le falzar, effectivement. Ouais, lors de l'inspection, les douaniers ont découvert que les poches du pantalon que portait le passager étaient remplies de 6 sacs en toile à cordon, et scellés avec du ruban adhésif autour de ses jambes. Une technique qui n'a évidemment pas permis à l'homme de passer aperçu ni passer les contrôles douaniers. Une fois ouvert, chaque sac contenait des serpents vivants de toutes sortes de formes, donc ils étaient dans des sacs quand même. Ah, oui, voilà. Okay. De taille et de couleur, voilà, 104. S'ils étaient dans des sacs, ça rend l'histoire moins intéressante. Ouais. Je suis désolé. Écoute, je suis désolé. Ils étaient dans son slibard, on a le droit ouais, si on a envie. Ouais. Ouais, moins de risques, il y avait moins de. Ils avaient scotché, j'imaginais tout. Enfin, moi, j'imaginais ouais vraiment un truc un peu plus schlag où il se les met dans le froc direct. Bah, un Bugs Bunny, quoi. Il a tiré le slip, il a versé un grand vase de serpents, et il a fermé l'élastique, évidemment. Et à un moment, il y en a un qui s'est enroulé, il a fait. Je voulais déjà un petit peu demander, on parlait de Resto Basket, est-ce que vous avez déjà volé des choses? Non, t'as volé des trucs à non, notamment au Leclerc de Pont-l'Abbé. Qui nous a envoyé un petit message, le Leclerc de Pont-l'Abbé. Qui me follow. Oh, là wow. Oh la star. Oh non, la star. En fait, pour gros, la foire au vin, c'est bon ça. C'est pas mal. Hein, non, en gros, j'explique vite fait, mais c'est juste que moi, quand j'étais petit, je passais mes vacances à Pont-l'Abbé. Mes grands-parents, ils avaient une maison qui était vraiment en face du Leclerc de Pont-l'Abbé, mm-hmm, qui était un lieu mythique super pour vu moi. Mmh. Ouais. Ah ouais, non mais qui était vraiment un lieu mythique pour moi, mes frères et sœurs, ma cousine et tout. C'était vraiment genre on arrivait, on disait ouais, on peut aller au Leclerc. Genre, excuse-moi. Non mais bah bien sûr. Mais on n'a pas eu. Non hey mais lui aime, c'est Zaïd. Pour lui la province c'est ça. Là c'est pour ça il se marre, il t'imagine. Ah, oui. Et après on allait s'amuser autour du puits et tout. Non, pour lui c'est ça. Bah, moi oui, je pêchais à l'époque. Ouais, hein, ouais, ouais. J'allais à la toi, pêche. Toi t'as pas connu la joie d'une voiture, une voiture qui ralentit devant un flunch. T'as pas connu cette joie toi. Non non, ah, lui c'est vraiment Stalingrad. C'est ça sa vie quoi. C'est l'enfer. Bah écoute, je juge pas. On tirait nos sabots et on s'est non mais. Après attention, c'est Saint-Germain, on l'est aussi. Hein, c'est ah, pardon, que... Ouais, voilà. Hein ah, oui. Non, il y a les deux. Non, y a mais, les deux. Mais elle a pour la B, ouais, le Leclerc, voilà. Et en gros, du coup, c'était. Parce que maintenant, en fait, ils ont un compte Insta qui cartonne parce qu'ils font des vidéos. Arthus va l'adapter au cinéma. Ouais. Ouais. Voilà, et du coup, moi, ça, j'ai eu un peu un choc mental de voir le Leclerc de Pont-l'Abbé, qui est un lieu mythique de mon enfance, faire le buzz. Et du coup, c'était ma reco culturelle de la semaine dernière. Et du coup, là, il me follow maintenant. Donc, je suis follow par le Leclerc de Pont-l'Abbé. Pas mal. Extrêmement pas mal. Fier. Attends, je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était au moment de la fête de la musique. Il y a une vidéo qui a un peu tourné. C'était sur à la terrasse d'un McDo, le McDo de Coulommiers. Il y a un DJ. J'ai pas vu ça. Quatre mais personnes, il est en train d'ambiancer quatre personnes. Et tout le monde l'a envoyé à Binge. Je me dis, oh, regarde, c'est un gars. DJ du McDo à la fête de la musique et premier degré. Binge, il me dit, bah, je vois pas le souci. Je voyais pas ce que. Je vois, et je vois toujours pas ce qui est drôle. Moi. Et vraiment, tout le monde me l'a envoyé, genre, Coulommiers, machin. Bah, c'est un DJ. À la McDo de Coulommiers, quoi. Ouais, ouais, bah oui, ça a toujours été comme ça, on l'a toujours fait. Et vous faites quoi pour le nouvel an, je comprends. Non mais en vrai oui je. Mais évidemment, mais du évidemment. Coup, je ne l'ai jamais repartagé puisque je ne vois pas ce qui est marrant. Voilà, je vois désolé. Je veux juste un samedi soir sympa. Bah oui. Oh oui. Non mais déjà une activité. Non, mais... Enfin je connais pas bien Coulommiers, mais moi j'aurais rêvé qu'il y ait un DJ dans mon McDo. Bah moi aussi. Nous il y avait rien, il y avait rien du tout. Bah, bien sûr. Moi je viens de Bourgogne, une ville qui s'appelle Autun. Bah je sais pas, le pédophile du coin. Ouais. Non tu sais que Autun s'est fait attention, a fait le buzz récemment. On me l'a beaucoup envoyé pour le coup. Ah mais oui, bah... Ils ont posté dans les législatives un faux bulletin Guillaume Meurice et Émeric Lompré. Ah c'était là. C'est à Autun, c'est à Autun. Bon le... attention, le RN est passé chez eux, ça, dans c'est... leur région. Donc une mauvais calcul. Nouvelle. Les gauchos malins. Et le RN est passé à 60 voix d'écart. C'est vrai. Ouais, ouais. Donc le mec. Ah ouais. Donc il a dit ah peut-être ma blague là. Ah, j'ai fait une c'est blague un peu là. Bon. Ouais. Ah là j'en regrette là. Ça, t'es con, toi. T'as peut-être dû faire du porte à porte au lieu de d'aller sur PowerPoint faire ton truc là. Peut-être. Peut-être, non mais après on sait pas. Zaïd, t'as déjà volé des trucs? C'est cool ça comme question, je suis très content de te voler ça comme ça. Non, non vraiment non. Ah ouais. Moi j'ai ce truc là, j'ai la culpabilité du vol. Même petit? Non mais ouais, ça peut être petit. Ah si, une fois. Alors, une fois. Bon après peut-être c'est long et c'est pas super moi, intéressant. Moi je prends quand même. Ses origines le rattrapent quand même. Non mais, on gratte un peu. Ouais, en 2027. Florent avait fait la version Wild Guilt. En plein dedans. Et dites-vous que ça, c'est ce qu'il dit quand le micro est allumé. Non, j'étais en alternance, j'étais graphiste. Zaïd a ri à la blague. Hein, bah, bien sûr, bien sûr. Voilà, qu'il il rit à gorge déployée. Hein. Tu le diras sur Insta en story. Ouais. J'ai jamais ri. Non, j'étais graphiste dans une boîte vraiment de merde. Le patron était horrible avec moi. Donc pas si jeune déjà, pardon. Ouais, ouais. On est sur 2014. Stagiaire, non, 2014. Stagiaire, non, alternant, alternant. Ok, ok, ok. Patron très raciste, on me demandait de faire des trucs atroces. Ça j'ai va. Même pas le droit d'aller dans les vraies chiottes. Mais non. Ah, attends, non, quoi, non, c'était horrible. Ah, comment ça, il y avait, bah, y avait les chiottes du bureau. Ouais. D'être humain. Et il y avait les chiottes du fond de l'atelier. Oh là là. Qui étaient des chiottes turques. Et heureusement, je connaissais toutes les horaires où il y a personne et tout. Et là. Mais ils t'auraient quand même pas engueulé si t'avais pris les chiottes. Je me suis fait engueuler. Putain. Non, bah. Oh, putain, ils m'ont déjà dit des trucs de ouais, faudrait être rasé. C'est ok. Ok, c'est même pas assez de toute façon. On m'a dit que t'as volé, mais c'est pas assez. On est déjà venu me voir en me disant ouais, faudrait être rasé la barbe pour les clients. Je ne croisais aucun client. Oh là là, quel enfer. Atroce. Pendant 2 ans, boulot chiant. Okay. Et je repère une tablette Samsung. Mon contrat se finit dans 3 mois. Non, mais ils avaient que des Samsung. Mon contrat se finit dans 3 mois. Ouais. Voilà, la tablette, je l'ai méritée. Bah, bien sûr, mais évidemment. Et du coup, j'ai posé la tablette quelque part en me disant si pendant les 3 mois, il y a quelqu'un qui vient de demander bah, elle est où la tablette? Je dirais bah, je crois que je l'ai vue là. Ah oui, sinon, je t'as fait quand même comme ça. Ok. Ouais. Bah, et ma mère a eu une tablette. C'est même pas pour moi. Allez, c'est même pas pour moi. T'as mis la daronne à l'abri avec une tablette. Ça t'as capté. Et évidemment, ils t'ont forcément accusé à la première seconde où elle a disparu. Et là, ils avaient raison. Ils s'en sont pas rendu compte. Ah ouais? Bah non, mais une fois que t'es parti, ils ont bien vu qu'il n'y avait plus la tablette. Bah non, parce que pendant 3 mois, ouais, personne ne l'a réclamé, personne ne s'est rendu compte qu'elle était plus là. C'est des entreprises, des fois, elles ont plein de trucs. Mais moi, pareil, j'ai piqué beaucoup de choses dans des. Enfin, j'avais bossé dans un truc de ponts et chaussées et personne ne s'en rend compte. Personne s'en rend compte. Franchement, si en plus ils ne l'ont pas réclamé, franchement. Oui, on s'en c'est même pas du vol pour moi. Moralement, je l'ai mérité. Ouais, non, mais, tu l'as mérité. Bah, plein tube. École toujours, à la rentrée prochaine, une nouvelle règle entrera en vigueur dans les écoles de Toulouse. À votre avis, laquelle? Pas le vouvoiement des profs. La nouvelle sonnerie, c'est un son de Big Flo et Oli. Pourquoi pas? Ça peut. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça peut être? C'est en lien avec les smartphones. Alors, pas avec les smartphones, non. Les vêtements? Pas les vêtements. Est-ce que c'est un lien avec la ville de Toulouse? Non, pas vraiment. Non. Putain, oui, je viens de comprendre Big Flo et Oli. Putain, j'ai. Du tout. Excuse-moi. Ça se passe à la maison? Non, ça se passe. Chemin de l'école? Fin, ouais, bah quand t'arrives à l'école quoi. Tu retires tes chaussures à l'entrée? Non. Charles, là un jour. De saluer, c'est quelque chose que de... tu saluer. Dois faire. C'est quelque chose qu'on que a tu fait dois nous. Faire. Que nous on faisait, ouais. C'est, mais c'est pas une action en partie. Enfin, c'est compliqué de vous embrasser aider. Le drapeau français. Non, non. Lâche ce micro, Benjamin. Lâche ce micro. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Pas encore, en tout cas. Alors on parle, c'est vrai qu'on enregistre. Qu'est-ce que ça peut être? Ça, quand je vais vous le dire, ça va vous rendre foudrage parce que c'est assez évident. Mais attends, t'as dit, nous on le faisait à l'époque? Bien sûr, mais tout le monde. Montrer son carnet? Non. Ça, alors ça, c'est nouveau d'ailleurs. Dire parce bonjour. Que j'ai tourné dans un collège. Et maintenant, quand tu veux rentrer dans une école, dans le collège, il faut montrer ton carnet de correspondance. Bah, voilà. Non, moi, il y avait ça au collège. Ah, moi, il y avait ça. Si, moi, ouais. Tu rentrais comme tu voulais et ils te le demandaient quand tu faisais une connerie, mais il n'y avait pas besoin de montrer le carnet. Non, moi à non plus, ouais. Ah, ouais. Mais cela dit, oui. C'était un peu le contrôle d'identité de l'époque. Bah, c'est ça. Mais moi, c'est ça, j'ai trouvé que c'était bon. Voilà, quoi. Bah, à la limite, tant mieux, quoi. Ouais. Pas plus mal que n'importe qui puisse pas rentrer dans une école, quoi. Ah, ouais, je sais ce que tu veux oui, dire. Bah, ouais, t'es pas. Après, si c'est un collège et que le mec a 40 ans, tu te doutes bien qu'il a pas EPS dans une heure. Tu dois. Arriver à l'heure tout simplement. Très mais bonne non. Réponse de Zahir. Ah. Oui. Les parents en retard pour récupérer leurs enfants dans les centres de loisirs associés à l'école et à l'école. Non, c'est donc c'est pas quand t'arrives, c'est quand tu pour récupérer tes enfants. Récupérer ah oui, pardon, excuse-moi. Oui, effectivement. Ah ouais, mais sinon je l'aurais eu. J'ai fait la crèche. La municipalité espère ainsi inciter au respect des horaires et limiter les coûts supplémentaires dus au retard. Face à cette nouvelle mesure, les réactions des parents d'élèves semblent partagées dans la ville rose. Le code d'éducation précise d'ailleurs qu'à partir de 4 demi-journées d'absence, alors ça c'est tout dans toute la France, en un mois, le directeur d'établissement dans lequel est inscrit l'enfant peut convoquer une réunion avec l'équipe éducative. Objectif, chercher les causes de l'absence et adresser un avertissement aux parents. Ces derniers peuvent être convoqués auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale qui rappellera les obligations et sanctions auxquelles peuvent être soumis les représentants légaux parce que s'il y a une enquête qui s'ouvre et le procureur de la République est saisi, tu peux payer jusqu'à 135 euros d'amende si tu sèches trop souvent l'école. Oh mais... Et en cas de récidive, ça peut grimper à 750 euros. Attention, on peut si les absences sont injustifiées, enfin si les absences injustifiées, pardon, selon le code d'éducation sont considérées comme compromettantes pour l'éducation de l'enfant, tu peux risquer 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Est-ce que ça c'est chez les cours autour de la table? Du coup t'as répondu pas mal, Benjamin. Absolument pas, gros faillot. Très mauvais en classe, du coup gros faillot. Suce-boule. Ouais. Même à la fac? Non, bah là c'est encore autre chose, mais ouais, là, tu sais, à la fac. Ouais, si vous me regardez, vous verrez que je ne suis absolument pas surpris. Non, mais il fallait que je compense mes notes bof, et oui, du coup j'étais un peu fermarré les profs. En parlant de bof, fais le bof. Fais-le. Allez, réponds-moi une question avec ça. Anecdote sur ça, de demander ce truc-là avec Zaïd. Première année où on fait Nova et le bof, du coup c'était un an où on avait fait que ça. On va fêter ça dans un café avec Zaïd, et il y a un mec qui vient nous voir au bar qui dit: putain, on fait le mariage d'un pote juste à côté, oh, il serait trop content de te voir et tout. Puis comme on n'était jamais sorti avec Zaïd pendant un an, je dis à Zaïd: bah, c'est marrant, viens, on y va, on va leur dire bonjour et tout. Et j'arrive, je fais bonjour, et bah vive les mariés, tout ça. Et vraiment, bug, tout le monde me regarde, genre t'es qui, qu'est-ce que tu fais là, barre-toi et tout. Mais c'est perruque, putain. Et tout le monde me filme, tu vois, je vois trois téléphones qui me filment, je dis merde, mais qu'est-ce qui se passe. Et là, je fais: et alors, il se marie celui-ci? Et là, ouais. Et c'est là où on s'est dit: il faut tout de suite qu'on fasse autre chose que ce personnage. C'était horrible. On a eu peur. Bref, l'enfer. Excusez-moi. Non, mais j'adore. Putain. On en avait parlé, je sais qu'on avait pris le train pour la tournée des Leroy. Ouais. Que souvent, ça surprend les gens de voir que t'es pas du tout comme ça dans la vie, quoi. Ouais, c'est ça. Ça me rappelle une anecdote qui date d'hier, dis-toi. Oh. Je rentrais chez moi. Il y avait une ambulance qui était arrêtée au milieu de la rue. Donc je marche et je passe à côté de l'ambulance. Et le conducteur de l'ambulance, il fait: hey, t'es le gars qui fait des vidéos? Donc je fais: bon, non, mais je vois ce qu'il veut dire et tout. Donc je fais: ouais et tout. Il fait: ah ouais, trop marrant, Golden Moustache et tout machin. Il me dit: ah putain, t'as une phrase que tu disais tout le temps là avec mon pote, on la répète et swag tout. De poule. Non, c'est pas moi. Et donc comme j'ai jamais eu de phrase machin, je dis: t'es sûr que c'est moi et tout? Il fait: bah oui, tu crois que je suis con ou quoi? Donc je fais: wow. agressif. Il me dit: on peut faire un snap? Donc je fais: ouais. Et puis tu sais, je vois que il se rappelle pas de mon nom et tout, donc il peut pas dire: hey, je suis avec machin et tout. Donc il dit... Il a une autre anecdote après là-dessus. Il me dit: bah non, vas-y, je te filme et dis juste: Youssef, fallait pas te faire interpeller. Oula. Donc je fais... Donc je dis: oh là là. Alors, donc du coup je le dis là. Mets ta main au niveau de l'épaule là. Vas-y, c'est clair. Quelqu'un t'a confondu avec Ragnar. Ça t'arrive pas? Ça t'est arrivé plusieurs fois. Dis-eus. Non, et donc, bon, tu sais, je le dis, bon, je me dis: bon, il va l'envoyer à son pote et tout. Donc je le fais et tout. Et donc je vais: ah, salut et tout. Et je marche. Et ce matin, c'est news. Non. Et je suis au bout de la rue et le mec de l'autre bout de la rue, il fait: hey, la phrase c'était: je vous avais bien dit qu'elle s'appelait Sandrine. Tu te rappelles? Et je fais: ah ouais. Donc je passe l'annonce là. C'est si qui vous, on parle? Si la phrase vous dit quelque chose. Mais je sais pas du dites-moi tout. Comme ça je sais avec qui m'a confondu. Je ne sais pas du tout ce que sera c'est que malheureusement le titre de cet épisode. Je vous avais bien dit qu'elle s'appelait Sandrine. Je ne sais pas du tout. C'est-à-dire que non seulement j'ai googlisé, personne ne sait ce que c'est. Non seulement je ne sais pas ce que c'est que cette phrase, mais enfin, je sais que je l'ai pas dite, mais en plus, je ne sais, j'ai même pas la ref, quoi. Ouais, je vous avais bien dit qu'elle s'appelait. On dirait vraiment un truc de boulevard. Je vous avais bien dit qu'elle s'appelait Sandrine. C'est vraiment très étrange. Ou alors j'ai mal entendu, mais enfin, j'ai pas. Et là, Arnaud Gidoin rentre dans l'air. Zaïd a une anecdote là-dessus. Ouais, je me suis senti gogol. C'était en 2014. Je faisais des t-shirts à l'époque. Et dans le lieu où je suis en train d'imprimer mes t-shirts, il y a Jules-Édouard Moustique qui débarque. Ah, bien sûr. Jules-Édouard Moustique. Et je suis pas du tout. Présentateur de Groland de l'époque. Oui. Ouais. Et je suis pas du tout dans le milieu. Enfin, j'écris pas de blagues. Je suis loin de tout ça. Je fais encore mes études à côté. Et on discute. Et on discute pendant une heure. Le mec le plus sympa du monde. Vraiment, okay. Plein d'anecdotes, il me raconte ce qu'il va faire cet été, ce qu'il fait avec ses potes et tout. Super, et à la fin je dis: tiens, on peut faire une photo? Il me dit: oui, bien sûr. Et moi je suis un peu stressé, moi j'ai pas l'habitude de faire des photos avec des gens. Je me dis: prends une pause, un truc un peu hommage. Donc je prends une pause et je le vois me regarder, bugger et refaire une tête normale. Et je fais ma photo et en rentrant chez moi, je me dis: mais pourquoi il a bugué? Et je regarde la photo. j'ai l'auriculaire près de la bouche. Comme Jean-Yves Lafesse. Comme Jean-Yves Lafesse. Et du coup, il a dû me regarder. Ah ok, il me confond avec Lafesse depuis une heure, c'est gogol. Oh, et il a eu la sympathie de pas me le faire remarquer. Et tu l'avais bien évidemment confondu. Non, il s'est trompé dans de dans le stress, ouais. Fait un truc cool. Ah putain, la vache. Ah, c'est drôle. Il y a la gêne. Ah, la gêne absolue. Et à 2h du mat, tu te lèves. Mais il y a Julien Edouard Moustique qui me prend pour un bugle. Ouais. Mais bon, je suis content d'apprendre que c'est un bon gars en tout cas. Il est super. Ouais. Ah, il est super. Moi, j'ai été allé quand je suis arrivé à Paris. Toi, t'avais pas tourné dans un grand. Non, enfin, j'étais allé dans le public. Aurélien Prévost. Oui, c'est ça. Aurélien Prévost jouait le fils Sarkozy. Aurélien Prévost, il a joué le fils de Sarkozy dans un grand. Dans le monde de Groland, il joue le fils Sarkozy. L'équivalent dans l'univers Groland du fils Sarkozy et tout. Et il se faisait gifler tout le temps dès qu'il parlait. Quelle nouveauté va être intégrée aux Sims dans le prochain opus? Qu'est-ce qu'on pourra faire avec les Sims? Les faire parler vraiment? Non. Mm-hmm. Est-ce que avec ChatGPT, on pourrait maintenant. Est-ce que c'est une particularité de personnage qu'on va pouvoir créer? Ouais. Exactement. Alors putain, moi je sais jamais jouer. C'est lié au genre. Ouais. C'est pas lié au genre, mais ça c'est déjà le cas. En tout cas, tu peux être transgenre, voilà, exact. Mais c'est encore autre chose. D'accord. En fait, tous les trucs qui me viennent en tête, je pense que c'est déjà dans le jeu, genre personnage en situation de handicap et tout ça. J'imagine. Ouais. C'est pas ça en tout cas. J'ai pas tout. Je pourrais pas te répondre. Okay. Dans l'article que j'ai lu, il parlait d'accessoires médicaux, genre tu peux avoir un appareil auditif, des trucs comme ça. Mais je sais. Oui, j'imagine que s'il y a ça, doit y avoir des gens en fauteuil roulant. J'ai jamais joué aux Sims, je vais peut-être être. Moi non plus, l'ai, parce qu'il était en promo à 4 euros une fois, j'ai fait. Pourquoi compte se priver. Ce serait trop con en fait. Voilà, donc non, je l'ai, mais j'ai jamais joué. Mais est-ce que je peux appeler ma nièce? Non, mais dites-vous, c'est un truc de société qui se fait de plus en plus, et ils se sont dit, vas-y, on le met aux Sims. Une casquette Make America Great Again. Non, je peux leur mettre sur la tête. C'est pas ça. Un truc de société. Est-ce que c'est politique, justement? C'est pas politique. C'est plutôt dans le monde affectif. Comment? Dans le monde affectif. Relationnel. Tu peux être. Ça pourrait être ça pourrait être un sujet de Zoom Zoom Zen. Voilà. Est-ce que tu peux être asexuel? Pas mal. Ce n'est pas. Aromantique, asexuel. Voilà, on s'approche, on est autour de ça. Est-ce que tu peux être. Alors attends, bon, non binaire, il y a déjà, j'imagine, que t'as dit. J'ai pas ça, je pourrais pas. Non, c'est sûr. Alors attends, c'est pas aromantique, c'est pas sexuel. C'est polyamoureux. Très bon. C'est bien sûr une information qui va sûrement rendre fou le joueur du grenier. Qu'est-ce qu'il faut avec le jeu là? Il faut n'importe quoi. Oh, c'est de la merde. Attends, le Hobbit il est noir, c'est pas dans le lore. Si tu l'expliques, je suis d'accord, mais sinon je comprends pas. Je sais pas faire l'accent, hein, je fais n'importe quoi. Non, mais ça, c'est bien. Les gens l'avaient. On l'a. Est-ce qu'on fait des. Est-ce qu'on a fait une seule imitation bien en 9 ans de podcast? Donc oui, les Sims auront bientôt la possibilité d'explorer d'autres formes de relations amoureuses. Présent ainsi qu'ils pourront être polyamoureux grâce à la nouvelle extension des Sims 4 baptisée Love Struck, des plusieurs relations impliquant des sentiments dans le respect avec l'accord de leurs autres partenaires, bien évidemment. Je suis curieux que ça arrive que maintenant. Ouais, moi aussi. Bah écoutez, mais des choses, c'est des patchs, faut les développer, faut coder, hein. Faut coder. Attends, ça vient pas. Ça comme ça. Et du coup, est-ce qu'il prévoit que. Ah, ben non, il parle pas, les personnages. Et non, parce sinon, il le calerait dans la conversation au bout de 10 secondes. C'était quoi, votre jeu culte quand vous étiez jeune? Oh. Toi, tu disais que tu jouais pas aux Sims, Zaïd, mais c'était quoi ton jeu vidéo préféré? Ça se bat entre Counter-Strike et FIFA. D'accord, donc PS1 plutôt. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, Perfect Dark, moi, je crois. Ah ouais, c'est un Nintendo 64 Perfect Dark. Vous vous souvenez pas de Perfect Dark? Non, mais sur un petit GoldenEye quand même sur c'est sorti juste après. Ouais. Ah, ça a l'air Personal Shooters. Ouais. OK, enfin, d'accord. Bah après jeunesse, j'ai envie de dire define jeunesse quoi. Oh là là, tu me parles en anglais, enfoiré? Bah je me casse. Et puis quoi? On est sur quelle décennie? Bah c'est ça, dis-moi, c'était plus. Non, parce que la Call of t'étais. Un des jeux auquel tu as joué? Non, moi je suis passé à côté de Call of Duty. J'ai essayé de m'y mettre T'étais ado, ou t'avais 20 piges ou. Ouais, un truc comme ça. Ouais, voilà. T'as mon âge à peu près, Zaïd. J'ai 36. Ouais, c'est un petit peu plus vieux, mais c'est le même délire. Toi, t'avais. En vrai, GoldenEye, je sais pas si c'était culte, mais c'est vrai qu'il y a de très très bonnes soirées. Non, quand je dis culte, c'est qui était important pour vous. Non, mais en vrai, c'est PES. En vrai de vrai. Ouais, PES. PES, j'en rêvais la nuit, tellement j'y jouais. C'est-à-dire qu'on avait eu un débat là-dessus. je rêvais de que je faisais actions. Des transferts. Ah, wow. Parce que moi, moi, ce que j'adore dans les jeux de foot, c'est le mode entraîneur où tu fais des transferts, tu trouves des joueurs et tout. Je rêvais du menu. Alors, où... mais ça existait déjà à l'époque? Oui, oui, bien sûr. Ouais, okay. Je le faisais dans tellement, dans, ouais. Je jouais des heures à faire des transferts et tout, que je rêvais de ça. Ouais, tu te retrouves avec des équipes débiles. Surtout que maintenant dans FIFA, tu dois convaincre le joueur, il y a le prix, etc. Là, tu faisais venir qui tu voulais. Ouais, là, c'était, PSG, assez, c'était assez facile. Au PSG, j'avais Ronaldo, Roberto Carlos. Et ouais, vous ouais, savez, j'aime bien FIFA, c'est que je trouve des petites pépites. C'est des joueurs qui n'existent même pas, je pense. Mais tu sais, dans les. Moi, j'aime bien trouver des joueurs qui sont. Comment on dit? Et des jeunes espoirs. Free agent. Non mais tu sais, les mecs ont pas de club. Qu'est-ce qui parle anglais en ce moment? Bah oui, j'ai pas le mot. Là pour le coup, j'ai pas le mot français. Ça, c'est le showbiz. Les mecs ont pas de club. Ça, c'est dit, fou. Hein. Ah écoute, viens dans mon club de merde. T'as pas de club. Ils viennent et puis bah là. C'est... Vous savez la petite spécificité de FIFA? Il a changé de nom déjà. Il s'appelle FC 24 maintenant. Ah oui, putain, je savais pas. C'est vrai. C'était les jeux, c'était les derniers jeux à chaque fois édités de leur console. C'est-à-dire que les FIFA, vu que c'est chaque année, genre sur PlayStation 2, par exemple, jusqu'à 2000, je vais pas dire de conneries, mais jusqu'à tard, alors qu'il y avait déjà la PS3, la PS4. Tard l'époque, j'imagine. Tard l'époque, évidemment. Il y avait encore des jeux PS2 de FIFA. C'est-à-dire que les gens continuaient de les acheter. C'était les seuls jeux qui étaient édités de chaque console quand plus personne n'éditait les consoles. Ah ouais, eh ben, petit trivia geekos comme ça. Non, pas mal, je vous ai chopé avec ça. Non, mais je vous ai chopé. Il adore le foot, ce mec. Bah, moi, c'est dans mes veines. Ouais. T'as le petit jeune de l'Espagne, il nous a mis une raclée là. Je rappelle que c'est mon peuple et que je. Tu on peux est pas en rire. Pour moi, on est en finale. Voilà. Chers amis, on va faire plusieurs jeux, sachant que je sais que Benjamin a ramené un petit jeu. C'est tout à fait. Pourquoi on le ferait pas maintenant? Et ben c'est ça que je suis en train de vous dire. Très bien. Je veux vous plaisir. On s'entend comme deux larrons en foire. Est-ce que tu veux commencer, Benjamin? Avec grand plaisir. Allez, est-ce que c'est tu alors... fais le beauf? Non. Parce que si c'est le pas jeu du beauf. Ouais. Alors que ça c'est plus mon jeu d'après. En plus, on aura pas. Voilà. Donc en fait, on a une passion commune avec Zaïd, qui sont les crimes. Vous aussi, je vous le rappelle. Mais oui, parce que oui, tu fais Trani raconte. Exactement. Exactement. Et je sais aussi que vous êtes passionné de cinéma, plus exactement Florent. Plus du côté de Florent. Exactement. Ouais. Je suis un gros inculte. Et donc en fait, je vais vous pitcher un film associé avec un meurtrier, une histoire de faits divers. Et va falloir et va falloir trouver le titre. Donc en mélangeant le criminel et le film. Voilà. Oh j'adore. C'est donne un mot valise quoi. Tu peux donner un exemple? Oh non, j'adore. Alors, on va commencer par exemple avec le premier. Attends, je crois que j'ai pas trop compris. C'est comme les jeux qui baisent, les films qui baisent ensemble. Ouais. C'est un film avec un tueur en série qui a vraiment existé. Ok. Voilà. Génial, et donc j'adore. T'as un mot. Voilà. Oh là là. Mais déjà d'être venu avec un jeu, mais. Écoutez, ses mains qui se frottent. Alors j'ai travaillé là-dessus avec un mec qui s'appelle Nils Marquesa, que j'embrasse. Voilà. Et qui a passé. T'as un auteur pour. Je peux pas me battre. Nils est top 5 des mecs les plus marrants. Attends, tu l'as pas fait pour le. Si. Mais c'est un amour. T'es allé bosser avec un auteur. Ça me rend fou de joie. Pour le moment, il a la bite. Tu comprends? Tu en mesures le truc. Alors, on commence par le premier, qui est un peu de test pour voir. Zaïd, attention, parce que celui-là, je crois que tu le connais. Film musical sorti en 2016. Le film se passe à Gambay au début du XXe siècle et raconte l'histoire d'Henri, un pianiste de jazz qui multiplie les petits boulots et les conquêtes. Un soir, dans un restaurant où il est employé comme pianiste ambianceur, il fait la connaissance de Mia. Leurs chemins se croisent de nouveau. Lors d'une pool party, Henri, séducteur et manipulateur hors pair, parvient à la ramener chez lui. À force d'éloquence et en lui promettant amour et mariage, il la convainc de lui remettre toutes ses économies. Une fois son objectif atteint, il l'assassine par strangulation, puis fait disparaître son corps en la brûlant dans sa gazinière. Henri Désiré Lala Landru. Oh oui, c'est Lala Landru. Lala Landru. Exactement. Il a mis tous les prénoms. Bravo. Le deuxième prénom. Ouais, Henri Désiré. T'as deux donné le numéro de sécu. Ah là, magnifique. Lala Landru. Ouais. Voilà, Lala Landru. Ça, c'était un petit. Parenthèse sur Landru, personne n'a jamais trouvé ça glauque que Ruki achète son four. C'est vrai. Incroyable. C'est vrai. Ouais, il a acheté son four. Ruki. Oui, bon, même Ruki. Personne n'a jamais trouvé ça bizarre qu'il adapte sa vie avec Régis Laspalès. Oui. Au théâtre. Oui, c'est vrai. Propulse Zemmour au sommet aussi, accessoirement. Hein. Film de super-héros issu de l'univers DC Comics, sorti en 2017, dans lequel une équipe de méta-humains composée de Benoît, Anne, Thomas et Arthur et Agnès s'allie pour protéger la Terre menacée par Steppenwolf, un extraterrestre mi-guerrier, mi-commercial. Ensemble... Les héros affrontent Steppenwolf dans une bataille décisive où ils seront malheureusement vaincus à coups de somnifères et de 22 longs rifles. Dans un ultime coup de folie, le méchant décide de les enterrer. avec leurs deux labradors sous la terrasse. Vas-y. Alors, putain, Xavier Dupont de Justice League Onnes. Oui. Oui. Pourquoi ça me rend si heureux? Film d'action comédie américain adapté d'un film français et sorti en 94. On suit l'histoire d'un homme qui mène une double vie en Belgique pour sa famille. Pour sa famille, il est simple vendeur d'ordinateurs, mais se révèle être également un terrible criminel. Lorsqu'il découvre que sa femme envisage une aventure pour échapper à la monotonie de sa vie, il décide d'enlever des jeunes filles dans sa cave dans le but de raviver leur mariage. Finalement, le couple se fera arrêter et juger lors de ce que la presse belge qualifiera de procès du siècle. Ah putain, j'ai le film, mais j'ai pas le criminel. Ah non, moi j'ai pas le film. Ah, je l'ai. Vas-y. Marc du True Lies. Oui. Putain, j'avais tout, je suis trop con. Putain. Mais attends, il a tué personne. Si si, il a tué. Ah ok, d'accord. Ouais. C'était juste. Il l'enlevait. Hein? Il l'enlevait, c'est ça? Il les tuait aussi. Ah, il les tuait. Ah, ouais. En fait, c'est pour ça que je me suis dit, ah ben non, c'est pas... pour moi, il était juste trafic. T'es en train de minimiser là, non? Il est en train de plus ou moins dire que c'est un bon gars, mais bon. Il fait des glissades dans sa prison, je rappelle. Ah oui, voilà, t'as vu ces images vidéo. Je refais un autre. Ah, bien sûr, j'en ai pas, donc je continue. Merci. Jusqu'à ce que je crève, tu peux le faire. Comédie américaine sortie en 92. Le film raconte l'histoire d'un tueur en série né à Metz en 1959. Un soir, il est le témoin d'un meurtre normal, puisque c'est lui qui le commet. Placé sous le programme de protection des témoins, il doit alors se faire passer pour un moine. Atteint du syndrome de Klinefelter, l'homme a des organes reproducteurs de petite taille, mais il est doté d'une voix en or. Il bouleverse la vie tranquille des religieux en créant une chorale. Leur succès attire alors l'intérêt des médias et notre routard du crime est finalement arrêté. Reconnu coupable de 11 assassinats, dont le double meurtre de Montigny-les-Metz, il est condamné à la réclusion à perpétuité. Putain, j'ai le mec, je Montigny-les-Metz, je l'ai. J'ai le gars, mais... Ah putain, moi je crois que j'ai le film, c'est con. Ah, on peut peut-être, faire un deal. Non, je crois que j'ai le film. Un Patrick Deal. Ça. Non, c'est pas lui. C'est mais... pas lui. Non, je sais, c'était ouais, juste peut-être. Pour le jeu de mots. Ouais, ouais. Moi okay. J'avais Sister Act, mais. C'est Sister Act. Ok, donc déjà je vous nique sur le film. Ouais. Alors du coup, j'ai pas du tout le. Merde. Ah, toi, ah tu... France. Francis attends, Soul ça peut être au milieu ah. Francis Holmter Act. Ouais, c'est ça. Francis Teract Holm. Ok. Ouais, il est un peu technique. J'avais les. Il est un peu technique. J'avais pas compris. Il est bien. Intercalé. Mais il est bien. Ouais, là c'était un peu intercalé. Non, mais il est bien. Attendez. Pardon, désolé, t'es un peu technique. T'excuses surtout pas. Je t'en fais voler la réponse. J'avais le film et le gars. Voilà, un peu. C'est la première fois que je vois de la colère dans son regard. Plus facile. Faut que tu reviennes à chaque émission. Je regarde mes stories, je fais tout. S'il n'y a pas le chien, il y a de la colère dans son regard. Film d'animation américain sorti en 2008. Le film raconte la vie d'un jeune homme maladroit et passionné de kung-fu. Un beau matin, sa femme disparaît mystérieusement lors de son jogging matinal. L'homme, aidé de sa belle famille et de ses amis, surnommés les 5 cyclones, part à sa recherche en vain. La jeune femme est retrouvée morte quelques jours plus tard, partiellement calcinée, dans un bois près de son domicile. Finalement, l'homme, sous ses airs de gros panda gentil, se révélera être le meurtrier de sa femme. Vas-y Zaïd. Kung Fu Pandaval. Oui. Oh là là. Ah oui, d'accord. Eh oui, bien sûr. Ah, je l'avais pas. Bon, bref, c'est très. Écoutez, c'est très bien écrit. Merci. Ah, c'est très gentil. C'est très bien. Film de science-fiction et d'horreur américain sorti en 79 qui raconte l'histoire d'un mariage dans un vaisseau spatial. Lors de la fête, une fillette de 8 ans disparaît. Très vite, les soupçons se portent sur un invité mystère, un ancien militaire qui répond au signalement suivant. De grande taille, la peau noire et chitineuse, tais-toi. Et tête allongée sans yeux apparents. Rapide, agile et intelligent, il sème la panique en traquant les invités dans le vaisseau. Il est finalement arrêté et éjecté dans l'espace. Ouais, non, je pense que je l'ai pas. Ah, c'était quoi? C'est Nordahl Le Landais et ça fait. Ah, Nordahlien Le Landais. Ouais, voilà. Ah, mais si, voilà. si. Film dramatique américain sorti en 2004. Il raconte l'histoire de Maggie, une jeune femme déterminée à devenir conductrice de bus. Elle persuade Frankie, un vieux chauffeur reclus et taciturne, surnommé le boucher de Lyon, de devenir son mentor. Sous sa direction, elle réussit à atteindre des sommets dans sa carrière, okay. Mais termine paralysée suite à un accident. À l'hôpital, elle découvre le passé trouble de Frankie et le suspecte d'être à l'origine de la disparition de cette jeune femme handicapée mentale. Est-ce que c'est Emilion Dollar Baby. C'est pas ce que ça, oui. Emilion Dollar oui. Baby Louis. Bien joué. Dernier allez, de la liste. Allez. Film biographique américain sorti en 2004. L'intrigue explore les défis personnels et professionnels auxquels le protagoniste a dû faire face, notamment la perte de la vue à l'âge de 7 ans, son combat contre le racisme et son addiction au meurtre. Véritable virtuose du piano et du crime, on compte à son palmarès pas moins de 12 Grammy Awards et au moins 11 viols et meurtres. Ah, je l'ai su là. Une performance récompensée par l'Oscar du meilleur acteur ainsi que par la réclusion criminel à perpétuité, surnommé The Genius des Ardennes. On lui doit des standards tels que It's the Road Jack ou encore Le Meurtre d'Estelle Mouzin. Ah non, en fait, je l'ai pas. Si, je pense que tu l'as. Ah, non, non, j'ai le film. Ouais, mais tu l'as en vrai. C'est beaucoup plus simple que les autres. J'ai pas je le connais nom pas de... les criminels, moi. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Tu l'as, toi, Zaïd? Vas-y, hein, dis-le. Hein. J'ai le film, mais ah ouais, bah, le criminel, ça, je dis la langue, mais je le connais. J'en ai plus connu que lui. Et l'ogre des Ardennes. Enfin, l'ogre des Ardennes. Ah oui! Bah, c'est Michel Fourniret. Ouais, exactement, exactement. Merci beaucoup, Benjamin. Voilà, c'est c'était un peu pour associer les. Ça régale. Et les. Ça régale. Les passions communes. Putain. Mais oui, parce qu'en plus. Le true crime. Notre premier échange quasiment avec Benjamin, c'est basé sur. Pas de la suspicion, mais de. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Mais alors, attention, respect. Parce qu'on avait fait Flo de Casse Raconte, et toi, tu faisais Trani Raconte déjà à l'époque. Et c'est comme quoi. Eh, parler. On se parle et voilà, au final, qu'est-ce qui se passe? Il y a raison de pas m'écouter, je lui avais dit menace-les. Chope-les à la gorge. On a encore deux jeux, moi j'ai un petit jeu très rapide. Trop bien. J'ai un petit jeu, vous l'avez peut-être vu passer, Patrick Sébastien a tenu à prendre la parole sur Twitter, puisque quelqu'un a partagé une chanson qui s'appelle du coup Ma bite sur ton front populaire. Et il a sorti le besoin en disant c'est pas moi qui ai fait cette chanson, c'est une usurpation, etc. Ce que je vous propose, ça va être très rapide. Parfois on pourra écouter des trucs. Je vais vous donner des titres de chansons. Ok. À vous de me dire si c'est une chanson de Patrick Sébastien. Et si ce n'est pas une chanson de Patrick Sébastien, je vous demande de me dire de qui est la chanson. Sinon c'est que un vrai faux et c'est pas très amusant. Très très bien. Voilà. Je commence. Alors, j'aime bien que tu dises ça alors que mon jeu c'est vraiment un vrai faux. Juste après. Oui mais non non. Parce que alors chers amis auditeurs, c'est un vrai faux. Restez jusqu'au bout. Moi je sais à peu près ce que c'est ça. On va se régaler. La titre de la chanson, la première, c'est On est français. Ah, je dirais que c'est. Alors, je dirais que c'est pas c'est lui. Pas trop Café Gourmand. Alors, votre avis, oui. Non, moi je dis. On peut aller vite. Moi, hein, je, dis pas non, pas moi je dis pas lui. Pas lui. Pas lui. Pas lui. Pas lui. C'est lui. Ouais, allez, c'est lui. On est français. On fait ce qu'on veut. Ah oui. Ah bah ça, c'est lui. Attends. C'est lui. Ah, je crois que c'était les. Oui. On fait ce qu'on veut, c'est lui. On fait ce qu'on veut. Ouais, vas-y, c'est lui. Ouais. On est sûr. C'est Patrick Sébastien, effectivement. On va finir à poil. On va finir à poil. Ouais, moi je dis que c'est. On a envie d'y croire, on a envie d'y croire. Moi, j'y crois. Non, moi je dis c'est lui, moi. Moi je dis c'est lui. Pas lui, je dis. Ah non, toi c'est non. Non. Toi Zaïd. Non, il manque un truc. C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il aurait pas. C'est une chanson paillarde, quoi. Je dirais ouais, ouais, ouais, ça ferait juste chanson paillarde. C'est malheureusement de lui. Ah, ouais, ouais, ouais. On va finir à poil ce soir. Yeah. On va finir à poil. On va finir à poil ce soir. On va finir à poil. La queue est tout. Il faut bien se lâcher de temps en temps. Ouais, ouais. Être un petit peu plus fou. C'est l'été, merde. C'est facile d'avoir toujours 20 ans. Alors, ma banane flambée. Alors, moi, je dirais que c'est. Non, lui, ça non, c'est pas lui, Vincent. Ça doit être un truc. Ouais, voilà. Là, très bonne réponse de Zaïd. Francky Vincent. C'est Francky Vincent. Bien sûr, mais bien sûr. Donne-moi ta friandise. Ouais, non, pas je lui. Dis que c'est pas lui, lui, mais il va falloir qu'on trouve non. Qui, par contre. Alors, bah, déjà, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Donne-moi ta friandise. Ça peut être encore Francky Vincent. Ah, bah voilà. C'est encore Francky Vincent. Et bien sûr, évidemment. Putain. J'espère qu'il me pardonnera. Bien sûr. Ouais. C'est un grand, grand fan de l'émission. Ça fait mal au cul. Bien sûr que c'est Patrick. Ça, c'est pas de Seb. C'est évidemment Patrick. Mais c'est une petite balade. Tout en élégance pour dire. En confiance. Ce qu'on a sur le cœur. Il va y avoir un twist. Et ça fait mal au cul. Oui, bien sûr. Tout devient trop cher. On mais, se fait par contre, c'est de l'appropriation culturelle de mon peuple. C'est un peu de la méco. C'est peut-être ma pochette d'album préférée. Putain, ouais. C'est génial. C'est vraiment. Putain, c'est génial. Putain, c'est... Ah, bah, il avait repris la. Voilà, on se moquait de lui. La Sweet Bleu. Ouais. Sweet Bleu et les deux pouces. C'est plus ou moins ma photo des Web Comedy Awards. Si vous voyez à peu près à quoi elle ressemble. Et vous allez me gâcher toute la chanson là. Non, non, pas précisément. Lâchez-nous les tongs. Non. Oui. Non. Ah moi je dirais non, mais non. Zahid, il est avec le DJ de Coulommiers. C'est ça là. Là, il est. Lui ou c'est le collectif métissé. Ouais, c'est l'un ou l'autre. Eh bien, sachez que c'est tout simplement pas de Seb. Ah. Les chiens pour nous renifler la top, pour être bien certain de ce qu'on a picolé au pop. Oui, oui. Attends, les chiens nous reniflent la top. Des miradors, des caméras dans les cours, dans les corridors. Et puis aussi des chiens pour nous renifler la top, pour être bien certain de ce qu'on a picolé au pop. Bah ouais, c'est genre lâchez-nous quoi. On est fliqués en fait. Ouais, en fait, putain. Ah ouais. Et puis aussi j'ai peur des bracelets électroniques pour savoir où tu vas, qui tu vois et qui tu es. Si t'as un bracelet électronique, gars, c'est que t'as fait un truc quand même. J'ai peur des bracelets électroniques, mais qu'est-ce que t'as fait, gars? C'est quoi cet aveu qui fait des limos là? Et si vous me mettez le bracelet électronique? Nouvelle chanson, Corona Song. Bah non, c'est Renault, non, ça. Renault, eh bah oui, c'est Renault, pardon, évidemment. Connard de virus. Évidemment. Connard de virus. Le bide de l'été. En opposition au tube de l'été. Non. Ouais, je sais pas, trop méta peut-être pour Pat Seb. Ok, alors qui aurait pu faire ça? Vous avez raison, c'est pas Pat Seb. De l'été. C'est encore une parodie. Non, c'est de une vraie radio. Chanson. Cartman. Pas Cartman, non, c'est vieux, une vraie c'est chanson. C'est vieux, non? C'est très vieux. Ça date... Carlos. Pas Carlos, enfin, c'est très vieux. Ça date de 94. Ok. Humoriste? Plutôt humoriste, mais pas que. La gaffe? Très bonne réponse. Oh là là. Voilà, ça roule toujours la probable du pas. Toujours. T'as la fifi, Allez. C'est ringard, c'est très mauvais. Ah, il a voulu refaire c'est bouler le vide, le lavabo. C'est le vide, il a voulu refaire vide, bouler le lavabo. C'est le vide de l'été. C'est ringard, c'est très mauvais. Il critique un peu. Oui, mais bouler le lavabo, c'était déjà ça. C'est vrai. C'était genre de dire, ouais, tu fais une chanson de merde et puis ça cartonne. Et là, le message voulu... de la Zoubina aussi qui était. Ouais, bon voilà. Et Martin, le scotter. Il est encore en train de faire l'accent là. C'est Zaïd, hein, c'est Zaïd qui l'a. C'est Zahid qui l'a fait, hein, c'est pas nous. Mais sur le Wikipédia de la gaffe, il y a vraiment des trucs, tu sais, tu te vantes de trucs de prof. Il y a écrit il est notamment l'inventeur du terme tar à la fifi, ou encore est-ce que c'est ton casse-croûte pour désigner son conjoint? Est-ce que tu Pour moi, c'est l'inventeur de Poupougne aussi. Poupougne, quand quelqu'un parlait, il fait Poupougne. Hein. Ça, pour moi, c'était lui. Hein. C'était. Ouais, mais c'est pas l'inventeur. Bah, il l'a peut-être popularisé. Il l'a popularisé. Ouais, mon daron disait ça, Poupougne. Ah, il disait Poupougne. Ouais, il le disait. Ouais. Ah non, mais il disait pas. Et moi, c'était dans le. Après, il était fan des grosses. Enfin, je veux dire, c'est pas. Ouais. Mais c'était le. Comment dans le Wikipédia, je parlais du Wikipédia de la gaffe. Dans le Wikipédia de la Zoubida, il est écrit que le compositeur de la chanson a refusé que son nom apparaisse. Non. On a su qui c'est derrière, mais le gars Benjamin Biolay. Ça c'est fou. Il avait fait une maquette acoustique et tout. Les scooters Mokhtar. Oh là là, très bien. Tatouf. Hein? Une chanson. Pardon, une chanson, ouais. Tatouf, Métouf? Non. Juste Tatouf. Le titre c'est Tatouf, en tout cas. Tatouf, ça pourrait être. Hein. Ça pourrait, mais il n'y a pas de revendication derrière. Est-ce que tout doit être revendication, Zahid? Bah, il a un côté bah, un peu. C'est vrai, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Il c'est aime vrai. Bien des fois. Ouais. Tatouf. Pat Seb, il aurait fait laissez-nous un peu de touf. Ouais. Ouais. Avec étouffe. Avec les dictats de la beauté. Non, parce qu'il est très woke, hein, Patrick. Non, non, mais vraiment. Non. Tatouf. Allez, je vais dire non. Ouais, moi non. Aussi. Non. Moi, non, je dis non. Zahid? C'est une chanson de Patrick Sébastien. Oh là là, il est fort. Ah bah, t'as tout fait. Ah bah voilà, il faut bien réveiller. Il y a des vistards qui voudraient bouffer la fée Carabosse. Faut pas qu'ils aient l'impression de rouler une pelle à Carlos. Allez. Elle est dans mes pensées. Allez. Et ah. Vraiment, la même instru que la chanson de tout à l'heure où j'ai dit. Et la chanson de la gaffe aussi. Ça, c'est du pas de. J'en ai encore quelques-unes, hein. J'en ai bientôt fini. Pas que j'adorerais écrire pour lui en vrai. Alors, quand j'adorerais écrire pour lui. Ah bah c'est quand je fume ma palme, mal, j'aime bien qu'il y ait des poils. Ah mais ouais, moi, bah nous, c'est notre grande décédère que. On parle quand même de Pat Sébastien une émission sur deux. Quelque non, part, non, mais... c'est qu'on doit. Voilà. Non mais parce que nous, on avait reçu Mister V. Où il avait annoncé qu'il allait faire son truc qui écrira la meilleure c'est chanson. C'est peut-être la plus grande trahison qu'on ait eue de notre carrière. Voilà. Ouais, ouais. Le couteau qui est sur la table, là, planté dans le dos. Il a dit, mais les gars, vous serez invités et tout. Pas et du vraiment, tout. Il l'a pas du tout. Non, on a... Occupe-toi de tes fesses. Ouais, ça peut être totalement. Ouais, c'est lui. Allez. Ouais, moi, je dis c'est lui. Ouais, c'est lui aussi. Bien je sûr. Mastique. Ouais. C'est que des allusions. Bien sûr, elle aime le cul. Bien. Ah oui, mais ça s'écrit L M le et la lettre Q. Et c'est pas de Seppo. Oui, bien sûr. C'est bien évidemment pas de Seppo. Elle aime le cul. Elle aime le cul. On va se l'écouter. Celle-là, elle est pas mal. Attendez. Et ces trucs, elle aime le curé, des trucs comme ça après. C'est évidemment ça. Bien vu, Zaïd. Oh, tu devrais vraiment être auteur pour lui. Elle aime le cul. Elle aime le cul. Elle aime le curé du village. Elle aime le cul. Putain. Issu de l'album, si tu pouvais fermer ta gueule. Ça nous ferait fort la pensée. Oui. Ah oui, d'accord. Les pommes de terre. Bien sûr. Vous avez cru. Eh, vous êtes des cochons. Necfeu pour moi. Moi vouloir du couscous. Aïe aïe aïe. Quoi? Non. Alors attention. Ah, voilà. C'est Zaïd parce que qui va donner la réponse. Attends, non mais attends, parce que je connais. Ça me dit quelque chose cette chanson. C'est pas un truc genre Gilles d'Or? Non, non. Mais j'aime bien qu'on cite Gilles d'Or. Putain, ça me dit quelque chose. Alors déjà, est-ce que c'est pas de Seb? Alors non. Non, c'est la gaffe. C'est vrai qu'il y a pas là-dedans. Non, c'est pas la gaffe. Mais je connais. Putain, ça me dit quelque chose cette chanson. J'ai moi, vouloir couscous. Moi vouloir du couscous. Non, je te. Est-ce quelqu'un de connu? Permets-moi de te corriger, Zaïd. C'est moi vouloir du couscous. Quelqu'un de connu. C'est pas Annie Cordy? Non, mais c'est un peu cette ambiance. C'est un mec. Carlos? Non, l'autre. Quasiment l'autre. Là, on est vraiment dans la pure quasiment chanson. Quasiment l'autre paillard. Del Paris. D'ailleurs. Ouais, bien sûr. Attends, l'autre. Sim? Non, pas loin. Sur des best-of, ils sont ensemble. La queue leu-leu. Bézu. Moi vouloir. Bien sûr que c'est 100% raciste. C'est raciste, mais y a pas l'accent. Oui. Bah c'est une surprise. Non, mais moi vouloir, pardon. Il aurait pu dire j'aimerais bien du couscous, hein. Vive le cul, le Turel. Et non, donc quoi, on n'est pas essentiel. J'aimerais le rappeler quand même. C'est alors pour quoi moi, il peut pas faire elle aime le cul et après faire vive le cul. Si, moi c'est, il peut. Il a fait 8 albums. Pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'il veut. C'est vrai, c'est vrai. Très bonne réponse de Zaïd. La Marseillaise. Non, c'est Sardou. Ok. Vous pensez que Patrick Sébastien a repris la Marseillaise? Ah, il l'a peut-être reprise, mais je sais que Sardou. La chanson s'appelle La Marseillaise. Sardou, en tout cas, la. Non. Oui, moi je pense qu'il peut. Non. Non. Si. C'est Zaïd qui a raison, il peut. Ah oui. Écoutez-moi bien, moi président. C'est ça qu'on chante, c'est ça, allez. Aux enfants de la patrie. Let's go. Attends, mais il change les paroles ou pas? C'est la vraie. Contre nous de la tyrannie. Tout le monde. Quand la sanglante est levée. L'état de la sanglante est levée. Ça se danse tout nu, hein. Et moi, tu m'auras mis ça dimanche, j'étais à poil dans la rue sans problème. À République. Hop là. Attention. Pardon, mais ça... Refrain. Dans le cul. Putain. Quelle meilleure façon de finir la saison. Oui, voilà. Alors, ça remettra à la fin. Il est si fort. Il nous reste un dernier jeu, les amis, et pas des moindres. Allez. Un jeu d'Adrien Méniel. Okay. Bien sûr qu'on le fait. Alors, Adrien. Je prends ta place, c'est ça? Vas-y, prends ma place. Moi, j'ai envie d'un vrai ou faux. Je sais pas si. T'inquiète, je vais faire un jeu. Une des manches de ce jeu était. Ce jeu qui s'appelle Laurent les Fites. Eh oui. Eh oui, ben pourquoi pas. Et pourquoi pas. Ouais. Et donc c'est tout simplement, je vais vous dire un duo musical. Ouais. Et vous allez devoir me dire, est-ce que ils ont vraiment ce duo musical a existé et a fait un morceau? Ouais. Ou pas. Ok très, très bien. Simple. D'accord. Très Laurent simple. Les Fites. Laurent les Fites, bien sûr. Génial. Alors, le premier c'est Gims et Andrea Bocelli. Vous pouvez discuter. Moi, pouvez je dirais que non. Moi, je dirais que oui. Toi, tu dirais que oui. Oui, parce que Gims, il a la voix quand même de. Ouais, mais. Ouais, non. Je vois un truc genre fait Sting et tout, sur mais. Sur une émission de TF1. Alors, on est d'accord que c'est que des chansons enregistrées ou parfois c'est des lives? Très très bonne question. C'est que des chansons enregistrées. D'accord. Je ne compte pas les lives. Non, ok. Il y a pas Big Ali, Michel Delpech. Voilà. La célèbre et live. Et on est connecté en fait. Non, mais bien sûr. J'allais le dire. Non, il y a pas ça. Ok. Moi, je pense pas. Et bah, moi je veux y croire. Je pense que Andrea. Moi je dirais non. Non, et toi oui. Ouais. Oh. Ça veut dire que c'est mauvaise réponse. Mais de qui du coup? Non, je veux dire, ça n'existe pas. Ça ah, ok, dire. D'accord, ça okay. N'existe pas. Bon, ok. Il y a un gif animé de moi qui fait non déguisé en magicien, mais ça vous pouvez pas le voir. C'est vrai. Bah, je vais vous le montrer spécialement pour vous. Petite référence à Jurassic Park, évidemment. Évidemment. Voilà, les gens l'avaient, hein, évidemment, en live. Hein. Évidemment, vous n'avez pas dit le mot magique. Voilà. Donc non, non, non, ça n'existe pas. Tu peux monter avec la luminosité également, si ça te. Non, moi c'est ok pour moi. Ok, très bien. Ok. Nekfeu et Ed Sheeran. Oui. Oui. Oui. Pour la chanson Five. De Five. C'est une Five. Excellente réponse, on va l'écouter. Je sais le vide que ça laisse en toi. Sans ma plus fidèle amie, je serai sûrement sans toi. Oh. Et là, il arrive, Ed. Là, c'est Ed, là. Hein. Ouais, c'est Ed. Beaucoup de tatouages. Voilà. Donc, d'accord. Le morceau existe, sublime. Tout à fait. Je crois que c'est Ruff, je crois, Ruff, ouais. Ou un truc si comme c'est ça. La BO de Five, c'est Ruff, ouais. C'est ça. Tout à fait. Va être éclaté. Alors, Florent Pagny et Jean Reno. Oh, je dis oui, moi. C'est trop gogol pour être faux. Je dis oui, moi. Moi, je dis non. Tu dis non, oui. Tu dis moi, oui. En fait, je vois bien Florent Pagny faire un truc genre un album de duo. Et dans les albums de duo, t'as souvent des trucs un peu foufou. Pas mal. Genre, je suis avec moi, Jean je vois Reno. Un morceau où Florent Pagny chante et derrière, il y a Jean Reno qui dit juste des petites phrases. Bien sûr. C'est vrai qu'elle me manque. Et il le compte comme un feat. Ouais, voilà. Alors, moi, j'ai dit non. Tu dis non. Je reste sur mon oui, moi. Ça existe, mais Jean Reno chante réellement. Ah. On va l'écouter tout de suite. Donc là, c'est Pagny. Les Casanova, les Fanjo. Jean Reno. Rien que des vilains du pas beau. Oh. Quelles que soient les terminaisons. Il n'est nul besoin de garçons. Oh les canailles. Ménartrache, oh, Ménartrache, oh, c'est ça qu'ils disent. Oh les vieilles canailles, là je les vois claquer du doigt comme ça. Oh les vieilles canailles que c'est ces deux. Avec un whisky tourbé. Oh putain, deux loubards. Enfoiré. Il n'est nul besoin de garçons. C'est féministe en fait. Sûr, ouais. Sûr. Ils sont dans l'air du temps. Elise Moon, on en parlait tout à l'heure. Non. Et Carla Bruni. Oh. Non. Non. Non, j'y crois pas non plus, non. Mais j'ai envie. Putain, franchement, non, je pense pas. Je crois qu'il a fait Axel Red et Elise Moon, mais pas Carla Bruni. Merci de niquer les questions suivantes. Effectivement, non, ça n'existe pas. Ah, allez. Le prochain, Adrien. Le prochain. Elise Moon et Axel Red. Celle-là, bon. Je vous la mets. Mid et Hugo Décrypte. Bon. Ah, c'est. Mid et Hugo Décrypte. Bah, putain, non. Moi je suis pas assez calé. Ah oui, oui, oui. Mid, mais putain, je dirais où. Bah, je... Il a dû ressembler, il a dû sampler. Hein. Ouais, ouais, ils sont potes. Ouais. Moi j'ai la réponse, donc je le dirai pas. Ah ouais, ouais. Il a la réponse. Non. Non, non, non, non, quand même. Alors, non, ça n'existe pas, mais c'est là où le jeu prend un tournant. Allez. C'est que parfois, quand ça n'existe pas, j'ai quand même fait le morceau. Ouais, on va l'écouter. Salut tout le monde, c'est Hugo. Si vous pouvez écouter ce morceau, c'est parce que je l'ai personnellement et intégralement décrypté. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une heure, si vous aviez essayé de l'écouter, vous auriez entendu... Parce qu'il était complètement crypté. Mais là, du coup, c'est bon. Le tube de l'été. Génial. Voilà, je précise que c'est une vraie chanson de Mid. Ouais. Moi, j'ai juste fait la voix. Tellement drôle. Watibi et Bigali. Oui. Oh oui. Et je pense même qu'elle s'appelle Watibi Gali. C'est une masterclass. Bien sûr. Et j'ai pas honte de le dire. J'adore. Maman, comment tu peux ne pas secouer, enfin, toi apparemment, mais tu secoues la tête, pardon, mais c'est, j'adore. Mais la Watibi était très forte, hein. Tout ce qui est sous assaut. Oh, oh. Je la connaissais. Mais entre Big ça et Watibi by Night, pardon. Moi, j'ai découvert récemment Big Ali. Il fait des chansons pour enfants. Attention. Que parce que ma fille voulait. Non, t'inquiète. Ma fille voulait écouter Tête, épaules et genoux, pieds. Et donc je voulais trouver la comptine sur YouTube. Il y a la version et il y a une version de Bigali de Head Shoulder. Ah ok. Mais avec des Français qui font tête épaule genou pied. Genre okay. En mode c'est une danse. Tiens c'est quoi, il faut réveiller les enfants. Non. Pour les endormir. Non c'est un jeu pour enfants. T'as jamais eu ça quand t'étais tête épaule et genou pied. Moi je connais pas non plus. Genou pied. Ah ouais moi je. Ah ouais, je connais. Ouais, c'est ça. D'accord. Et ben, Bafa aussi. Bigali Bigali en a fait une cover voilà. T'as bossé en centre de loisirs aussi. Ouais. Ah bah comme moi. Ouais. Deux potes, deux bons potes là. Alors, justement, Florent Pagny et Bigali. Oui. Ouais, je pense, oui. Je dirais oui. C'est... oui. Vous dites oui ? Bah, quand t'as proposé. Ouais. Quelques lignes de plus. Ah oui, c'est toi qui me l'avais dit, je crois. C'est. Dans les pages des faits divers. Wow. C'est un peu notre Lil Jon à nous, hein. Ouais. Ah ouais, c'est notre Lil Jon. Et c'est genre sur les enfants battus en plus, je crois, une chanson très triste. Je crois, oui. Bien sûr. Il y a une intensité, il y a tout. Ça. Wow, moi, dingue. c'est ok pour là, moi. Là, il pleuvait sur moi quand je l'écoutais. Kinvé et Kev Adams. Oui, ils sont potes, je crois. Ouais. Donc je pense qu'il est venu faire. Bah, je dirais oui. Je dirais oui. Je ferme ma gueule parce que je vais peut-être niquer la prochaine. Je sais qu'il a fait des duos insolites, Kev Adams. Je dirais non. Tu dis non et vous dites oui. Moi je dis ouais. Allez non. Est-ce que tu l'as faite et l'as créée? Je l'ai pas faite. Okay. Non, je l'ai pas toute faite non plus. Ok. Mais non, ça n'existe pas. Ok. S'appeler Kevin ne les a pas unis dans la chanson. Mokobé et Ariel Dombal. Oui. Bien sûr. Tout de suite. Tous les feats foireux des rappeurs, je le sais. Ils ont pris la chanson Pata Pata. Applaudissez au pluriel, Mokobé et Ariel. Tu es si belle, tu pousses les décibels. Ok. Viens, je t'emmène en Afrique. Tu pourras convaincre après tous les sceptiques. Là-bas, c'est magique, c'est magnifique, c'est authentique, c'est féerique, c'est historique. Il en avait plein d'autres encore. Hein. Wow. Il s'est retenu. Hein. Voilà. Des rimes hic, il en avait bien de ça. Un biopic. Oui. On l'a, mon con. Voilà. Pata Pata, qui est une chanson de Myriam Makeba à bien la sûr, base, qui évidemment. Est une grande activiste pour la libération de l'Afrique du Sud et tout. Et donc, qui mieux que Ariel Dombal pour la reprendre finalement. Louane et Éric Zemmour. Wow. Et j'espère que tu l'as créé. Je pense qu'elle n'existe pas, mais tu l'as créée, et je t'en supplie, dis-moi que tu l'as créée. C'est évidemment la seule raison pour laquelle cette question existe. Chaque jour, dépendance à l'amour, pas de danse autour. Et pas la rame. C'est le jour, celui qu'on retient. C'est ça. Elle est bien celle-là. Elle est vachement bien. Je l'aime bien. Mets-la sur Insta. Ah ouais. Oh, putain, c'est très bien. Ah, oh, il est bien. Wow, super. Elise Moon et Axel Red. Ouais, désolé, pardon. Il l'a dit. Oui. On va s'écouter vite fait. Ouais, bien sûr. Avec plaisir. Petite flûte. Donnez-moi votre alphabet. Bercez-moi de tous vos mots. Bon allez, ça énerve tout le monde autour de la table. On va passer. C'est Moon qui chante, ça me crispe. On passe j'ai à la suite. J'ai envie de vous. Alors, quelque chose qui va te calmer. Big Flo et Oli et Florent Pagny. Oui. Ah. Je dirais oui, moi. Ah, moi, je dirais non. C'est toi qui tranche. Je vais rien dire, on va couper. Donc, tu dis rien. On est sur oui, non. Moi, je dis oui. Et non, c'est non. Ah ouais. Non. Il y a eu Francis Cabrel, mais pas Pagny. Ouais. Ah ouais. Pagny, mais très fort sur beaucoup de feats. Hein, ouais, de ouais, ouais. Ah ouais, quand même. C'est le Jérémy Farré de la musique sur les duos impossibles. Ouais, c'est vrai. Il est vraiment. C'est vrai. Il a tout le monde. Angèle et Mister V. Non. Ah merde, attends, il a fait des albums de rap. C'est vrai. Il a fait des albums de rap. Ah oui. Il a fait non. PLK. Mais... Non, je dis non. Moi je dis non. Non, je dirais non. Je dis non aussi. Ça n'existe pas, mais on va l'écouter. Essaye d'y voir plaire. C'est dur. Ne pas regarder en arrière. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur comme. Ma bite. C'est dur comme. Mamite. Une croûte de pizza de la marque Pizza della Mamma. Génial. Putain, c'est après génial. On va dire que les IA c'est pas bien, mais il y a des trucs bien. Ah ouais, c'est voilà. Attends, la chanson d'Angèle, elle est pas vraie? Elle est pas vraie, c'est j'ai écrit les paroles. Putain. Ouais ouais. Ah, je croyais que c'était vrai, moi. Moi, je connais rien d'Angèle, bah, j'avoue, moi, je me suis dit c'est un son que je connais pas. Ouais. Bah écoute, vous avez toi pas de Seb, moi Angèle apparemment, je peux. Al Capote et Brigitte Fontaine. Il y a totalement moyen. Bien sûr. Ouais ouais. Et Femme Fontaine, j'espère qu'il parle de la Femme Fontaine à un moment. Ah ouais, ouais, ouais. T'as joué sur ça, salaud. J'ai joué sur le côté, c'est totalement plausible, quoi. Ah ouais, c'est hyper. J'avais plausible. Adoré Prohibition. Et je suis vieille, je vous encule. Ouais, ouais, ouais, elle était très énervée. Et elle avait fait un album de feat, je me souviens aussi. Ah ouais. Avec Arnaud et d'autres gens. Enfin, Arnaud Brigitte Fontaine. Ouais. On est sur une ligne édito assez proche. C'est ça. Bon, celle-là, elle est facile. Bernard, donc je donne la réponse carrément. Bernard Minet et Big Ali. Bah oui, bien sûr, évidemment. Dis-moi. Vous étiez au courant? Non. Ah ouais. Elle existe. Alors, je vais mettre un peu de contexte. C'était pour la dernière Coupe du Monde. Bah oui. Bernard Minet s'est dit, attends. D'avant, je crois. Je crois pas qu'on l'ait gagnée. Non, c'est celle qu'on a gagnée. C'est celle qu'on a perdue, mais il l'a fait avant la finale. Ah oui, c'était d'accord. Pour encourager les Bleus. Ah, okay. Il s'est dit, je vais faire une VG Dream, quoi. Quoi? Quand on a le ballon. Reprise d'Olivier Tom. Une passe, un crochet, et on a marqué. Ok, let's go. Allez la France, on est toujours ensemble. Grisou, Kylian, Dion phénoménal, Hugo, Olivier, ils sont venus pour gagner. Waouh, pas plus de vos codeurs en tout cas. Et c'est ça, et vraiment, elle est passée sous le radar, mais complètement, notamment parce qu'on a paumé. C'est le Allez les Bleus, oui, mais Allez les Bleus a plus marqué, alors qu'on avait paumé aussi. Allez les Bleus de Johnny. Ouais. Alors, on est champions, pardon, on est champions. Oui, mais bon, c'est Johnny quoi aussi. Ouais, c'est aussi pour ça quoi. Michel Sardou et Thibaut InShape. Non. Mais je veux entendre ce que tu as fait. Ouais, moi aussi. Évidemment qu'on veut entendre. Elle n'existe pas. Mais je l'ai fait. Mais on va l'écouter tout de suite. Salut Thibaut. Dame Michel. Tu sais, on est différents, toi et moi. C'est vrai, moi c'est Internet et les réseaux sociaux. Et moi c'est les ganguettes et les apéros. Mais on a un vrai point commun. C'est vrai, tous les deux on trouve que... C'était mieux avant, quand les jeunes étaient convenables et n'étaient pas sur leur portable. C'était mieux avant, quand on pouvait se balader sans risquer d'être poignardé. C'était mieux avant, quand il n'y avait pas de dépression, juste des copains et des pressions. C'était mieux avant, avant la France panier de crabe, avant qu'il y ait tous ces arbres. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, merci Michel. Merci beaucoup, Adrien. Voilà. Voilà. Eh bien écoutez, après ce magnifique jeu d'Adrien, c'est la fin de ce Floodcast. On va faire les recommandations culturelles, ben, bien sûr. Plaisir. Adrien, est-ce que tu as une recommandation culturelle à nous faire? Moi je vais faire comme j'avais fait à la fin de la saison dernière, c'est-à-dire que je vais faire un peu, j'ai plein de petits trucs, au lieu de faire une reco, j'en fais genre bien sûr. Plusieurs. Régale putain de nous. C'est des comptes Insta uniquement, je vais essayer d'aller vite. Alors, il y a un mec sur Insta qui s'appelle... Jason K. Pargin, P-A-R-G-I-N. C'est juste un gars qui... en fait, il a des observations, c'est souvent sur la pop culture, mais c'est aussi sur des trucs de société et tout. C'est très dur à décrire, mais c'est juste... À chaque fois, je trouve que le mec, il a un point de vue... j'ai mué pendant ma voix. Des points de vue intéressants, des trucs cool, voilà, j'aime bien. À chaque fois que je tombe sur ses reels, j'écoute. Je dis, ah putain, pas con, c'est des réflexions intéressantes et tout. C'est un mec qui est auteur, enfin il est genre romancier quoi, il fait ça, c'est très dur à décrire mais j'aime bien. Un mec s'appelle Troy Hawke, Troy T-R-O-Y H-A-W-K-E, mm-hmm. Je sais pas si vous êtes déjà tombé sur lui, c'est un mec, il a une espèce de robe de chambre violette en satin et il fait des compliments aux gens dans la rue avec une voix très... Et c'est le genre de truc normalement je déteste. Oui attention, ouais. Mais lui, il y a un côté très, je sais pas, c'est un mec qui est humoriste, c'est fait. Oui, il est stand-upper et tout. Et il y a, d'habitude, je déteste parce que c'est des youtubeurs de merde qui font ça. Mm-hmm. Mais là, il y a un côté, déjà, il est assez pertinent dans ses compliments. Il y a un truc, et puis c'est bien formulé et tout. Moi, j'aime bien, ça me met le sourire. Mais quel quoi ? Et alors ? Et alors ? Un compte qui s'appelle Aggressively Trends. Aggressively underscore trans. C'est juste une femme trans et qui contrairement à ce que le nom dit fait de la, pas dire de la vulgarisation, la je sais pas, pédagogie, de la pédagogie, ouais, sur le thème de la transidentité. Mmh. Et moi qui suis, enfin je suis pas spécialement éveillé forcément plus que n'importe qui là-dessus, je trouve ça intéressant de d'avoir ce point de vue et de, enfin de juste de s'informer là-dessus. Donc très bien. Mmh. J'en place une aussi pour Salomé Saké. Donc Salomé S-A-L-O-M-E S-A-Q-U-E, parce que déjà je trouve qu'elle fait un travail de journaliste aussi bien sur son compte Insta que sur Blast, qui est hyper bien, notamment sur, pour essayer de débunker les arguments de l'extrême droite, etc. Et puis j'en place une aussi parce qu'elle est, elle fait partie de la liste des journalistes qui sont menacés par l'extrême droite, là, je sais pas si vous avez vu passer ça. Mmh. Et du coup je me dis que bah, on peut pas faire grand chose à notre échelle à part lui donner de la force et la suivre, donc let's go. Et enfin là c'est un compte d'un illustrateur japonais, donc c'est Why Kento, Why, Why comme pourquoi, donc W-H-Y-K-E-N-T-O-W-H-Y. C'est de l'illustration, je trouve ça hyper beau, c'est très très simple, minimaliste, avec des aplats et tout. Je trouve ça hyper beau et donc bah voilà, une petite note artistique pour la fin. Super. Et c'est la fin de mes recommandations culturelles. Très bien. Zaïd, est-ce que t'as vu un film, un truc Non, alors j'ai noté, bah, il en a eu 150 000, je vois, ça va être honteux, moi j'en ai qu'un. Ah non, mais normalement c'est qu'un, hein, c'est, y a pas de problème. Hein. Alors, c'est sorti il y a très très très longtemps et du coup je pense qu'on l'a tous vu sur écran. Mais là, le ciné Max Linder, le 24 juillet, diffuse Akira. Oh, oui. Je l'ai jamais vu. Ah ouais? Ouais. Bah là, je pense expérience ciné, c'est l'occasion. Et trop bien, voilà. Écoute, je vais aller d'autant plus dans ton sens parce que moi, je l'ai découvert au ciné récemment. Ah ouais, il l'avait ressorti pas il y a un an ou deux. Et je pense que tu as tout à fait raison de dire que c'est cool de le voir au ciné parce que c'est des films bizarres. Et comme beaucoup de films bizarres, je trouve que le cinéma l'expérience aide. Ciné, ouais, ça aide d'être dans un truc et de te prendre le truc dans le. Non, mais être avec d'autres gens qui disent ça, j'aime bien, mais c'est pas parce que je suis bizarre, apparemment tout le monde aime. Ouais. Non, mais tu vois, par exemple, moi j'ai ça avec 2001. J'ai commencé à le regarder plein de fois à la télé. Et en fait, c'est long, c'est chiant, etc. Et en fait, d'un coup, t'es au cinéma et t'es beaucoup plus soqué, ton cerveau est dans un autre mood. Et moi, Akira, en tout cas, j'ai senti que chez moi, je pense que j'aurais pu plus facilement déconnecter. Ouais. Voilà, exactement. Et au ciné, j'ai surkiffé. Donc Akira, trop bien. Et si jamais, il doit être dispo sur tes sites aussi. Si vous voulez le mater, c'est pas forcément que au Max Linder. Mais c'est vrai que c'est un super film d'animation. Il doit être dispo à 14,90€ sur Amazon. Oui, sûrement, ouais, c'est ça. Benjamin, moi, j'aurais. C'était aussi de donner de la force à un journaliste aussi qui s'appelle Geoffroy Lejeune, qui est pas forcément. Connard. C'est un peu dur qui pour lui pas aussi un moment en ce moment. Bon, voilà. La parité. La parité. Mais Daniel, il l'a pris. Il a pris le premier degré. Vrai. J'y ai cru, tu m'as vraiment eu. Quel bâtard. Il regardait par la fenêtre, le canard. Ah là là. Bref, non, évidemment. Bien sûr que non, bien sûr que non. Série rapide qui est trop bien, et en plus on en revient du Japon, et ce qui est génial, c'est Tokyo Vice, si vous avez l'occasion. Oh oui, regardez, c'est trop bien. Ok, ça parle de quoi? C'est une histoire vraie d'un Américain qui voulait absolument intégrer le meilleur journal du Japon. Et justement, après, il veut démanteler le réseau des Yakuza. Wow. Et ça se passe en 99. Et c'est hyper et bien. C'est une histoire vraie. Et c'est une histoire vraie. Et c'est la série est trop bien faite. Et t'as vraiment l'ambiance Japon qui est trop stylée. Ok, ok. Attends, trop bien. Mortel. Et du coup, pardon, excusez-moi, je vous embête juste musicalement. Mais prends ton temps, tout va bien. On a des copains qui font de la musique qui s'appellent les Picard Brothers, qui ont bossé entre autres avec Mid, qui bosse okay. beaucoup avec Diplo, Mark Ronson et tout, qui ont sorti un nouveau son là, un petit single de l'été qui est vachement bien, un remix là, qui est vraiment très cool. Et autre chose, dernier truc que j'écoute beaucoup en ce moment, qui s'appelle Saint Preux, Donc SINT-PREUX. Et l'album s'appelle To Be or Not. Mais je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider. Je ne sais pas de quand ça date. Je suis tombé dessus par hasard grâce à Spotify. Et c'est un truc, ça a l'air d'être d'un album des années 70. Vraiment un peu envolé lyrique, que de l'instru. Et voilà. Okay. Et c'est sur vraiment très très bien. Sur mon site de vinyle qui s'intitule Discogs, ouais. Le vinyle date de 81 en tout cas. Okay. Et c'est français. Et c'est français. Ouais. Et c'est extraordinaire. Ouais. Je dois dire. Je surine ça en ce moment musicalement, c'est très très bien. Génial. On fait pareil, on ferme les yeux quand on épelle un truc. Ouais. C'est marrant. Ouais, vous êtes deux bons potes. Adrien fait le beauf du coup. Allez-y, écrivez ensemble. En bouquin, ça a peut-être été dit, mais il est sorti l'année dernière. Bouquin très très drôle de Mourad Winter. Les meufs, c'est des mecs bien. Il est sorti en poche là en plus, je crois. C'est pas ça? Il sort en poche. C'est celui-là. C'est L'amour, c'est surcoté qui va probablement sortir en poche. Ok, d'accord. Je sais plus. Je crois que c'est les deux. Je suis pas en contact avec l'éditeur, je ne saurais pas. Ouais, très, très drôle. Et qui adapte d'ailleurs, je crois qu'on a vite fait. Non, on n'a même pas parlé avec Laura. Qui adapte un de ses deux bouquins en film. L'amour, c'est sur le côté. Dans lequel il y a Benjamin, avec Hakim Zemili et Laura Feldman. On reviendra pour. Oh, bah, il y a intérêt. Que des gens qu'on connaît. Une émission qu'on va sûrement biper pas mal aussi. S'il y a Mourad qui vient, mais avec plaisir. Ouais, dernier tour de table. Bah, du coup, alors, l'amour, c'est sur le côté. Il y a surtout ton spectacle que tu as coécrit avec Zaïd. Tout à fait. Que vous avez écrit ensemble. Que tu mets en scène aussi. Ouais, c'est ça, toujours. Mets en scène, coproduit aussi avec moi. Oh là là. Tout team. Super. Voilà, on reprend à la rentrée en tournée. J'ai plusieurs casquettes. Hein. Ouais, mais c'est ça. Toute la France. Et trop en bien. Janvier, on fait 4 dates au Trianon. Félicitations et tout et tout. Félicitations et tout et tout. Voilà, trop content. C'est quand même pas mal complet dans plein d'endroits. Pas là, mal hein. Complet. C'est pas mal. Un non, peu mais... victime du succès. C'est ça, moi j'ai voulu dire. Et vous pouvez le retrouver. Il y a quand même beaucoup de. Ouais, c'est ça, complet ça, dans pas mal d'endroits. C'est super. Et ça, c'est assez fou. Trianon. Il reste du Trianon. Il reste du Trianon. C'est janvier. C'est janvier. C'est ouais, dans longtemps, c'est normal. Donc ça, c'est trop cool. Et voilà, et j'ai un film moi, mais qui sort en novembre. Du coup, qui s'appelle comment? En tongue au pied de l'Himalaya. Ah mais oui, de John Wax, évidemment. Je savais pas que t'étais dedans avec Audrey Lamy. Exactement. Et bah, ça a l'air trop bien. On a eu la chance de voir hier avec Zaïd, du coup. Voilà. C'était très cool. Trop bien. Voilà, j'ai vu que c'était à Angoulême, là. C'est comme ça que je l'ai vu passer. Exactement. Je crois, au festival d'Angoulême. Faire le festoche. Oh là là. Putain. Oh, je connais le cinéma. Putain. Voilà. Donc, Zaïd, tu écris effectivement le spectacle. Tu écris aussi pour Douli. Oui. Voilà, et Douli, du coup, Folie Bergère à la rentrée. C'est et ça, la ouais. Capta au Cirque Électrique. Très bien. Ouais, elle nous en avait parlé. Yep. Trop bien, génial. Et toi, tu continues d'écrire du coup pour tous ces. Oui, j'ai rien à mon nom, voilà. Non, mais attends, c'est bien. Oh, pour ça, il faut un peu de personnalité, tu sais. Je pas ça. Adrien. Bon, non, moi. Ça écrit aussi, cela dit. Ça écrit, oui, ouais. Ça écrit. Ça sortira un de ces jours. Et avec puis... Benjamin bientôt, visiblement. Oh, moi, c'est un super. On va faire un truc, là. Bah, t'écris le film du beauf, c'est ça. C'est ça. Le beauf en Thaïlande. Il m'a regardé, genre, ça te va? Bah oui, ça me va. Non, sinon, ouais, la bonne auberge, mais ce sera du coup. Mais la billetterie ouvre quand de ça d'ailleurs? Bah, oh. Oui, d'accord. Okay. Pas tout de suite, mais c'est dans longtemps aussi le dernier épisode en live. Ouais. Là, a priori, ils ont trouvé la salle. Génial. Ouais. C'est pas dégueulasse. Allez. Mais du coup, ça va peut-être un petit peu repousser le dernier épisode en public. Mais okay. C'est pour une bonne raison, parce que la salle va être très cool. Génial. Tu peux dire le nom de la salle, et si c'est pas officiel au moment de la sortie, je sais pas. Non, elle sort dans peu de temps, là, vraiment. Okay. Ça sera jamais officiel au moment de la sortie. Okay. On en dit chacun non, un puis... sans savoir. Vas-y, et puis moi, une salle. Trianon. Toi, tu dis une salle. Olympia. Moi, je dis la Cigale. Ah, vas-y, Adrien, on continue. et puis, non, mais je suis là à chaque épisode, donc j'aurai l'occasion d'en reparler. Oui, et ça, c'est pas qu'il arrive. Et non, voilà. Et là, des vacances. Oh là là, oui, merci des vacances. Et oui. Je vais crever. Donc, j'ai hâte d'être en vacances. J'ai vraiment très envie d'être en vacances. Donc, c'est ça mon actu. Très bien. Très bien. Bravo. Et puis, quant à moi, vu qu'on se voit pas cet été, alors je vais peut-être mettre une petite pub, hein, je vous le dis hein, tout de suite, hein, pendant l'été. Le 13 août, en VOD. Nous les Leroy, ouais. Et ça concerne un petit peu aussi la Tranience puisqu'il joue bien également sûr. Dans le film Adrien également, 13 août en lock VOD tout ça, alors il est aussi à l'achat évidemment, n'hésitez pas hein. Nous les Leroy dispo digitalement et le 23 août il sort en Blu-ray et DVD physique, sachant que le Blu-ray a pas mal de bonus que j'ai concocté moi-même voilà, dont un truc où on suit la tournée qu'on avait fait aussi ensemble, on a remis trop un cool. Espèce de best-of de tout ça, mais il y a aussi la journée de la sortie, il y a le making-of, il y a les castings des jeunes, il y a des commentaires audio, dont un commentaire audio qu'on a fait Adrien et moi, qui n'a aucun sens. Voilà, on parle pas du film du tout. On parle pas du film. On y parle pêle-mêle de Dwagby et de la, et de la pluie qu'il y a dehors. Donc voilà, voilà, pas voilà dire mieux. Qui pleut, de voilà. Ta fille. Voilà, on parle de ma fille. Ma fille est en guest aussi. Sa fille parle. C'est le, c'est le bordel, voilà. Donc n'hésitez pas. Il y a ça avec. Et ça, donc, comme dit, ça sort le 23 août. Mais vous pouvez déjà le précommander. Alors là, n'hésitez. Ça, c'est que sur le Blu-ray. Ça, c'est que sur le Blu-ray. Sur le DVD, il y a quand même le making-of. Voilà. Okay. Mais sur le Blu-ray, on peut mettre plus de choses. Donc voilà. Et voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Fin de la saison 9. Bonnes vacances tout le monde. Qui fait bien. À la rentrée, normalement, si tout se passe bien. Et puis voilà. Et puis on se quitte avec, évidemment. Ah. La mer a bandé là. La mer. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes le mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Il s'agissait du flot de caste. Pardon.